Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à l'anus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je ne bouge plus. Apéro original, session 15, épisode 2. On est en février, merci de passer la Saint-Valentin en notre compagnie. C'est passé. C'était il y a... On est le 20. Mais oui, j'espère que vous avez très bien mangé au McDo et au Buffalo Grill. La salade d'accueil. Le cocktail Saint-Valentin au Buffalo Grill était juste somptueux. Moi, je l'ai pris au Libre-Motamus cette fois-ci. Bon, on est toujours, comme vous l'avez compris, on est toujours nombreux autour de la table. Alors, je vais commencer par les invités. On a Flag, on a Jonjon, on a Loli, on a Musica, et bien sûr les sociétos habituels, on a Azertov, on a Gandalf, on a Tocheux, et bien sûr... T'as dit Gandalf déjà. Azertov, Ato, Tocheux, Gandalf, voilà, et tout le monde est. Oui, mais ça c'est pas grave. Moi je vais finir par croire que personne n'aime Asto, hein, si tu le dis à chaque fois. En plus il est mis en valeur et tout. Ouais. Le plus important, c'est soit que lui, il le croit. Bon, bien sûr, on a des annonces de service. Alors, Pod Radio, où s'en est ce dossier-là? J'ai regardé plusieurs fois, ils ont un gros problème de grille parce que la grille est vidée. D'accord. Ah, bon, voilà. C'est Damien. Quelque part. La faute à Damien. Ouais. Donc, Pod Radio, on sait pas. Ouais. Voilà, regardez sur... Non, écoutez directement, c'est la surprise. Voilà. Eh ben, on verra ça le mois prochain. Pod Rennes, bien sûr, on est en février. Pod Rennes, ça arrive. Oh là là, mais c'est bientôt, là. Bah, par exemple, Flag, tu veux nous en parler de Pod Rennes? Allez, Pod Rennes, qui se passe le 20-21 avril, à Rennes. Oui, au 7 rue d'Espagne, 7 rue d'Espagne, oui, c'est ça, pas très loin du métro. Vous commencez à bien connaître... Alors, truc important, pensez à vous inscrire. L'inscription est aussi gratuite que l'entrée. Et par contre, elle nous permet de savoir combien vous êtes. Et ça nous permet de remplir la salle et de faire du manger gratuit en conséquence. Est-ce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde? Plus ils mangent, c'est morphal. Et il n'y a que les gens inscrits qui mangent. Et venez voir le programme. Le programme a dû d'ailleurs s'étoffer depuis le mois dernier. Mais oui. On a rajouté plein de trucs. Laissez des surprises. Laissez des surprises. Et on a aussi un truc là. Ça c'était le mois dernier. On a eu au moins 12 retweets. Et t'as vu qui c'est qui s'est inscrit aussi? Bidule. Et qui fait machin. Bidulecast, un truc comme ça. Oui, ou. Vous allez beaucoup trop loin. Oui, ou pas de machin. Oui, peut-être. Et donc, Podrem, c'est du podcast en live à écouter et des gens à rencontrer. Venez nous voir. Voilà, comme les blagues. Alors, David, sont les moins longues. Bimaker, ça en est cette histoire aussi. À ce qui paraît, on aurait moins 15% sur toutes les commandes. C'est fou. Ce qui se passe, c'est qu'il faut rentrer un code qui dit apéro original avec l'accent sur le et le e à la fin. Ah la vache, c'est compliqué. Moins 15%, mais comme ça, direct. Ouais, direct. Enfin, faut rentrer le code, mais direct, ouais. Eh ben moi je vais y aller. J'en prendrais bien pour $1. Moi j'attends les allocs et je vais sur Bimé. Bon, allez, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui? On va bien sûr commencer par la rubrique que le monde entier nous envie. On a une petite demi-heure devant nous pour ouvrir toutes les bières. Voilà, on aura aussi un dossier de ce cher Gandalf. Oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous enculer? Je l'ai entre mes mains d'ailleurs, justement. Je vois. Effectivement. C'est impressionnant, hein. Il est très épais. Ah oui. Et bien droit. Impressionnant. Il est. C'est joli. Beau bestiaux. Je vis là les auditeurs. En plus tout doux. C'est tout doux, c'est rouge. Il est rutilant. Il est rutilant. Et ça va bientôt disparaître, hein, par contre, alors profitez-en. Tout doit disparaître. Non, en fait, ce sera une BD, ça s'appelle Ces jours qui disparaissent de Théo Le Boucher. C'est pas vegan. C'est même Timothée Le Boucher. Ah, pardon, Timothée. Voilà. On sent que c'est préparé. Oui, oui, bon, bah voilà. On sent que c'était. C'est presque aussi préparé que son dossier de l'épisode d'avant. Oui, ça annonce. J'ai fait parler les gens. C'est... Bon, bien sûr, on aura. Oui. Klaus Barbie aimait faire parler les jeunes aussi. D'accord, merci. Déjà Déjà Ouais, ouais. Ah, d'accord. C'est fois. J'espère que l'épisode va durer 5 ans. Mais c'est du grand rap, tout craché. Ça sort genre très vite. Ou ça sort, bien évidemment. Et après, péremptoire, qu'est-ce qu'il y a après ça? Bah, bien sûr, on aura bien sûr les questions aux invités. Et même que cette fois-ci, on fera peut-être 3 tours. Non, mais après, faudra qu'on pose d'autres questions. Après, comme ça, je vous lance pour 3 tours et je vais faire. Et venez, on fait 4 tours. Voilà. Après, on aura un quiz de ce cher Astou. Ouais. Alors, ça, c'est, quoi ça va consister? Ça va être un quiz sur des petits trucs de la culture japonaise. Qui va être... mais il va falloir que j'aille chercher le. Hein? Ah, le bandeau. Et bien sûr, oui, le bandeau. Le bandeau, bien évidemment. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Et le saké, s'il y en a. Ça ne perd pas ça. Et puis après, quand je le joins, il est mort. Ah, vous commencez fort. Je crois que c'est la prune. Dans prochaine session, enfin. Non, mais c'est d'avance. Et puis après, on se quittera, bien sûr. On se reverra le mois prochain. Et puis il y aura une petite musique pour terminer. Voilà. Une très bonne musique, la meilleure, oui, je pense. Voilà. Ça change des progrès, du rock pro de 15 minutes ou des chansons japonaises. Là je vous dis. Moi, je dis qu'un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Bon, bah voilà, je vous propose de commencer avec la rubrique que tout le monde nous envie, peut-être. Peut-être c'est pas. Bien ou blond. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars ! À noter qu'on peut dire un pute. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai le décapsuleur du destin en main. Et bien sûr, je vais me pardonner de la dernière fois, me faire pardonner. Je commence par ce cher Gandalf. Oh, tu es bien aimable. Alors, vous savez, j'ai une lubie dans la vie, la bière de Noël. Ah bon ? Oui. Passion ? Passion. Passion, bière de Noël. Pourtant, c'est pas... Deux choses dans la vie, le vomi et la bière de Noël. À noter que tu... regarde, il y a la même blague. Ça peut se rejoindre assez vite. En plus, elle est à 8,1. Vous voulez ça fait 81. 8,1, 81. Donc, je vois, première passion, les bières de Noël, c'est des bières assez dégrossies, mais elles sont un peu clichés, mais je les aime bien. Et le couscous. Et le couscous à Noël. Et ça, c'est une idée. Ça, c'est une bonne idée. Penser. Fallait y penser. Un sapin, des cadeaux, de la neige. Et j'ai pris donc une gauloise de Noël, et il faut savoir que les gauloises, c'est fait par ceux qui font. Corsen donc, voilà. Alors, toujours Corsen donc. Celui-ci est un petit peu réfractaire, de gaulois, mais. Ah, on sait pas. Alors, tous non. Ah, visiblement, il y a que la dame avec le polichinelle dans le tiroir qui a pas droit. Bon, ouais. Si on peut rouler bourré, c'est déjà ça de gagner. Pour rouler bourré. Oui, mais bien évidemment, parce que les Belges sont pires. Après, ils ont les autoroutes éclairées, ça doit les aiguiller un peu. Mais, si on se prenait pas pour des lumières, en tout. C'est ça. Donc, et ben. Avant qu'ils disparaissent. Tout à l'heure, on a un séjour qui disparaît. Ça, c'est le guacamole qui disparaît. Donc voilà, c'est brasserie Corsenno que j'aime bien. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'avais déjà bu des gauloises dans des épisodes d'apéro original et j'avais bien apprécié. En général, les gauloises, ça se fume plutôt, mais. Bah ouais. Ouais, mais pas chez lui. J'ai jamais fumé une gauloise. Ni un gauloise. Tu éventres les cigarettes et t'en finir. Bon appétit. Et bon appétit, bien sûr. Et là, tout à l'heure, il a été lâchement. C'était le dernier, il a été lâchement abandonné. C'est mon ami. Il sera le. Non, c'est parce que j'étais. J'étais le dernier, je sais, mais. Le présentateur est en dernier. Voilà, donc c'est pour ça que je vais te le faire passer cette j'étais fois. J'étais destiné à être le dernier. Destiné. Dépêchez-vous, j'ai ce. Alors, je vais rester sur le sour comme à la. Le vomi. À l'épisode précédent, mais cette fois, ça va être une sour à la rhubarbe avec la They Are Coming to Get Rhubarbe. Une sour à la rhubarbe de la brasserie Stewart Brewing. Et moi je vais tenter le coup du chapeau. Avec un petit saut genre Seal of Approve à côté du Stewart Brewing d'une brasserie qui s'appelle Brewdog. Je ne connais pas. Ah ouais. Bon quoi? Ah ouais. Bon quoi? Il y a un petit logo, logo Brewdog avec. Je connais pas Brewdog. Petite collab. Bravo. Avec Brewdog. Jamais entendu parler Brewdog. Moi, j'ai pas le droit d'en parler. On m'interdit. En tout cas, Stuart Brewing, c'est une brasserie écossaise. Il est écossais. Comme les petits pois. Mmh. Ensuite. Ensuite. Attends. Ensuite. Juste au-dessus de la prise électrique. Ensuite. Ensuite. Eh bien, moi, j'ai choisi une Coca-Cola. J'ai pris un Coca-Cola. Une Cocoa Psycho de chez Brewdog. Quoi vous dire? Elle a combien de degrés? Pro. Pas bon. 10. Ça va? Oh, ça va. Vache. Et, et donc, voilà, c'est donc une Russian Imperial Stout qui, a priori, est parfumée au cacao. Au cacao. Au cacao. Le caca, c'était les tartes au chocolat. Voyons voir ça. Comment ça s'appelle? Chiquet, hein. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouf, ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais. Ça va se mâcher, je pense. Oh, je me souvenais pas que ça, oh, ça coulait comme ça. Ah là là, j'étais aussi noir que ton âme, quoi. J'aime quand tu me parles. Même la mousse, c'est noir, quoi. C'est vrai, c'est excellent. C'est la mer à noir. Ah ouais, c'est assez fou comme mousse. Mousse au chocolat au café, quoi. Voilà. Ah, ah, ça a l'air sirupeux, quand même. Ah, l'odeur, elle a l'air d'avoir du... une cuillère. Je me souvenais pas qu'elle était comme ça. Et je donne, l'appareil du destin à Loli. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ah d'accord. Bah je veux pas en fait, parce que j'aimerais me dire que je parle. Eh bien moi je vais aujourd'hui ouvrir la Wood Stout, qui est une collaboration entre la brasserie Stone, Drew Curtis et Will Wheaton. Ah oui. La ah, mais c'est Will Wheaton de chez Will Wheaton. Il y a un peu de Star Trek dans cette bière. Et donc en fin de compte, il faut savoir que Will Wheaton est un passionné de brassage amateur et il a fait une collab avec Stone et Chardin. Super joli comme bouteille. C'est une bouteille qui est malheureusement avec une étiquette, auparavant elle était peinte. Et c'est une Imperial Stout qui ne fait que 13 degrés. Oh, bah, ça va. Donc, ça va. Ça va, la bouteille. Tu vas siffler la. Tu vas voir la casquette à Véronèse. Ah non, je la partage, celle-là. Ouais. Parce que c'est une très grande bouteille. C'est une grande bouteille. Aussi grande que l'Oli. Mais grande. Elle est très grande. Alors, la mousse est moins noire déjà. Attends, mais on est tombé sur des bières aujourd'hui, là. On est chaud. Et je vais donner le décapsuleur du destin à mon voisin de gauche. Le cher Toshi. C'est virtuel. Ah bah il doit le chercher, il va se le mettre dans la poche, donc je le tire avec. Donc je le prends quand même. Donc c'est que dans la poche. Mais je le pose parce que moi j'ai mon mien. Et c'est toujours mieux que tout le monde ne veut pas rentrer dans le jeu. Gna. Alors, puisque c'est comme ça, je vais rentrer dans le jeu. Oh, il est mignon. Je vais faire un effort. Oh, le petit mouton. C'était grâce à moi. Ah ouais. Ouais, voilà. Et donc, merci les invitos. Dans ma filière nordiste, où je vais me rapprocher un tout petit peu de Nike. Et on va juste se projeter à une vingtaine de minutes à l'est, à Eskelbeck, dans la brasserie. C'est à gauche après le Batigro? Ouais. Ouais. Alors, là pour le coup, tu prends pas la direction de Sox, tu prends Wormhout. Et non, ouais. Tu vas au Krolouk, voilà, et bah tu t'arrêtes. Je vois bien. Voilà. Il est croux, c'est à côté du Jardiland. C'est juste en face. Tu passes par la place de l'église ou... Et à côté, normalement, t'as but aussi. Tu passes par la place de l'église du village ou quoi? Non, parce qu'ils ont fait une pénétrante qui contourne. J'aime bien les pénétrantes. Ben ouais. L'avantage de celle-là, c'est que tu gagnes facilement un quart d'heure sur le trajet. Ah ouais, non, franchement, ils ont bien fait les choses. Hein. On pourrait parler de bière plutôt. C'est le chien de Mickey. Et donc, ce que j'ai dans les mains, c'est la blonde d'Eskelbeck. C'est une bière de garde blonde. Il triche, il a un anti-sèche. Ben ouais, parce que je la connaissais pas. Donc, comme c'était fourni avec, hein, c'est comme un mode d'emploi, je regarde, je m'en sers. FSI 5°C, c'est une petite blonde classique. C'est la bière la moins forte pour le moment. Voilà. Non, je suis à 4,5. Ah, ça va. Ah, pardon. Et après, ça fait partie du programme de recyclage. C'est interdit à Sigourney Weaver s'il y a un petit peu les chiens dans le tiroir. Et il n'y a pas de contre-indication pour la touche mobile, donc on va prendre un malin plaisir à déguster ça. Au moins alors. Je veux dire, tu peux mettre ça dans ta voiture. Ouais, si tu savais tout ce qu'elle a vu, ma voiture. Toi, t'as pas écouté Roule avec moi. Il a utilisé le décapsuleur du destin. Ouais. Oh merci, Ronald. Voilà. Est-ce qu'il va nous faire 12 tonnes c'était de mousse c'était mon défi. Une avancée. Ça fait depuis le mois de janvier que j'essaie de. Ça fait un mois que je le tâte. Mais est-ce qu'il n'avait pas utilisé le décapsuleur d'Alec la fois où on était chez lui? Si. Qu'on avait beaucoup rigolé. Si. Possible. Exterminate. Qui c'est qui Anna, elle avait pas. Hein? Anna, elle a pas besoin. Moi, j'ai doublement. Un litre de cantillon. Moi, j'ai doublement besoin du décapsuleur du destin. Une bouteille aussi grande qu'elle? Eh ouais. 1m50 de bière. Ah, le chirobrème de croc. Voilà. Donc en fait, moi, je suis partie sur une valeur sûre. C'est une bière que, évidemment, Loli m'a fait découvrir. Vous avez la Cantillon. Je ne connais pas. Que de nous. Ah, ce Loli, j'aimerais bien le voir. C'est la troisième fois. C'est pas la même. Si, si, mais c'est celle à la framboise. Voilà. Donc, c'est une lambic de 2 ans d'âge, macérée dans les framboises fraîches. C'est pas ça qu'on a vu. Elle est à 5 degrés. Macérée dans les bras. Enfin, c'est une macération de framboises fraîches. Abricot plutôt, c'est ça. Et donc, pourquoi j'ai doublement besoin du décapsuleur du destin? Parce que d'abord, il faut péter l'opercule. On lui pète l'opercule. Et on n'entend pas de pchit. Pourquoi? Car. Parce que. Mais il y a une surprise. Sous la capsule, il y a... Une cafetière Senseo. Une machine à café. Il y a un bouchon de liège. Une machine à liège. C'est donc une bière belge. Une bière belge. Ouh là là, ça fait de la mousse à travers le bouchon. C'est pas grave. C'est comme ça que tu fais, sur la bouche. Peut-être encore un petit tour. Chut, pas de marque. Encore un petit tour. Voilà. Et puis ça me bombe. J'ai jamais vu un podcast audio aussi passionnant. Hop. Et maintenant, oulala, oulala. Ça, c'était un joli bruit. Ça, c'est l'appel. Moi, j'aime ce bruit. Hein. C'est peut-être le bruit que je préfère. Alors, elle a une couleur rosée. Avec qui trahit la présence de framboises. En quantité massive. En quantité massive. Et je me sers un bon verre, sachant qu'elle tape à 5 degrés. Ça va. Je n'en souffrirai pas de celle-ci. Quoique. Et vous pourrez sentir. Alors, à qui j'ai transmis le bouchon. Il fallait pas y foutre un bouchon dessus. Et donc, j'allais transmettre le décapsuleur du destin à l'ami. Qui est le présentateur? C'est moi. Jean-Jean. Je suis obligé d'attendre. Pas encore. Ouais, c'est ça. C'est ton malin. Ça arrive. Alors pour moi, ce sera une bière Matten, une Red Fox IPA, qui est une bière cuivrée comme un renard, qui plus est. Ah. Qui est brassée à Mattenheim, je sais pas où c'est. En Alsace. En Alsace. Merci. Tous les trucs en Sennheim, Fessenheim, Arlenheim, Ingolsheim, Arrêtez, monsieur. Heimiker. I'm an Englishman. I'm a Berliner. Bon, mais du coup, on peut l'avoir en voiture, mais sans femme enceinte. Mais sur la banquette. Faut pas de femme enceinte dans la voiture. Jamais. Accident. Quel est le nombre d'enfants qui ont été conçus dans les voitures? Ouais. Oh, combien dans une Sneak Camille? Tout ça pour que ça finisse dans un roi. C'est sans compter les enfants qui n'ont pas été conçus, qui ont été essayés d'être conçus dans une voiture. Beaucoup. Essayer, c'est déjà bien. Les petits enfants partis trop tôt. Les prêtres aussi, ils aiment bien essayer les enfants dans les voitures. Le décapsuleur à Azertov, qui est un peu loin, donc je demanderai de l'assistance. L'assistance à personne à DNG. Ouais. Alors. Moi, je continue mon triptyque, la débauche. Et là, c'est une Frickaboo. Et pourquoi tu fais un triptyque? Pourquoi tu l'as gardé? C'était une bière alsacienne tout à l'heure. C'est là qu'il y a des débauches. Alors. On enchaîne. On continue dans les stouts. Donc là, c'est une stout au marshmallow et à la vanille. Oh. Et donc c'est la débauche. Monsieur aime les sucres. Ouais, à 8%. Oh. Donc, tout à l'heure c'était une 5,5, là c'est une 8%. Et la dernière. Elle est... Tout à l'heure, tu veux dire c'est le mois dernier. Le mois dernier, oui. C'est celle au champagne. Tout à l'heure du mois dernier. Non, oui. Non mais là, je parle la prochaine. Non, la prochaine c'est pas celle au champagne. Ça fait un mois qu'on Ça sera la suivante. Ça sent le fédèque. Plus personne ne sort. Ça voudrait pas dire en fait c'est pas la bière à jonjon qui sent le renard. C'est le... Bon, va falloir m'enlever les gratons là. Je prends. Donne par là. Ouais, parce que. Enfin, il y a encore un petit tour là-bas. Et je donne à Musica. Eh oui. Oui. Faut décapsuler l'eau du robinet. Décapsuleur qui ne va absolument pas me servir. C'est pour la fin. Mais dis donc, là, au niveau des couleurs, on est quand même globalement. Ah, on est une nuit. Bah, la nuit est tombée quoi. Sur de la couleur café. Donc. Ouais. Juste... Non mais la nuit est tombée, c'est ça en fait. Là, c'est nuit, c'est Georges, mais... La nuit est tombée. C'est le jour, c'est une étrange idée. Oui, sachant que donc moi, ben, comme le mois dernier, ben, je vais Clear tourner au, chapeau, au château La Pompe de Castres, je m'en vais donner le décapsuleur du destin à Monsieur Péremptoire. Ah, c'est pas une vie de présenter, moi je vous le dis. Monsieur Péremptoire. Bon, ben, écoutez, moi j'ai pris une Octopode IPA. Tu sais que tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. Mais je l'avais déjà prise à une session précédente. C'est de la brasserie Dogma. Ouais. Qui est une brasserie, j'ai vu, c'est une brasserie. C'est République tchèque. Serbe. Ah, c'est serbe. Ouais, ouais. Serbe, ouais. C'est République tchèque. Et oui, Sigourney Weaver, on sait, blablabla. J'ai soif. Dogma, c'est des exclus. C'est exclus VNB. Je mets combien de degrés c'est oh, pardon, VN. Une IPA. Je suis simple. Les serveuses du VN. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vais parler. Toi, t'as soif, hein? Ah, j'ai soif. Je pourrais boire. J'ai soif. Vous ne le faites pas comme il faut. Ah non, mais on le fera jamais aussi bien que lui, mais c'est des hommages. J'ai soif. C'est des dommages. Bon, ben. Voilà. Bon, ben, hein, bonne bourre. Allez, santé. Allez. Santé. C'est vrai qu'il y en a certaines, on voit pas la couleur de la. On verra pas le plafond. Il y a une carte de bouchon. C'est moi qui gagne. J'ai pas fait les. Ah bah voilà. Ah bah les gens se lèvent maintenant. J'ai pas fait les sociétaires. Les gens se lèvent en Arizona. Et bientôt on fera le tour de la. Allez, on le lit, c'est toujours pas grave. Pépé! Pépé! Il a trop soif. Ah, j'ai soif. Ouais, mais il est là, ça. C'est moi qui ai le pari de la couleur transparente. Ouais, parce que là, pour l'instant. Déjà, moi, ouais. Tout fait pas mal aussi. Déjà, il y a échange. Ils sont de verre. Et c'est hyper. Non, c'est pas pour moi. Ah, il est bon, ce pif là. Bon. Ou onculé. Eh ben, écoutez. Ou c'est la bière de Noël, ça. Bonne dégustation. Ou ça, c'est la bière de Noël. Ouais. Oh. Ah ouais. Ah moi je vais tester le marshmallow à la vanille. La bière de Noël. Par contre ça m'intéresse. Qui veut du fuel lourd? Ah oui. Qui veut du pétrole? Qui va être sponsorisé par Total? Là je pense que je vais persuader à l'issue de ce goûtage que je suis pas du tout pour les chats. Goûtage. Chocolat café quoi. On dirait. Je vais goûter. Ça accroche au palais. Ah mais ça se mâche. Je suis pas du tout pareil. Ah moi j'ai couleur. C'est dur. Et je t'aime tout court, oui. Par rapport à ça, ça parfumé, c'est toi. Ah ouais, mais attends, parce que là. Vite fait. C'est un croquillon, c'est génial. Ouais, c'est plus que ça. Faut faire boire ça, David. Ouais, pour qu'on. Mais David, il a bien aimé la croquillon, il en a goûté. Pour rincer le palais, c'est sympa. J'avais tout. De l'eau? Oui. Ah ouais, faut se rincer le palais. Non, bah parce que là, je peux pas goûter une autre bière. Demain, je la ramène chez moi, sinon ça m'étonne. C'est ça. Je vais goûter, attends, je fais passer un verre. Ouais, t'inquiète. Merci. Alors, la Will Witton. Ah, vas-y, c'est bon. Eh merde. Et à la fin, on le tape. Là. Ah, mais tabassez-moi. À la fin, du plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les cumuler, on va tout lui donner d'un coup. Bon, ouais, bien. En autre bouteille aussi. J'essaie de tirer la botte sur la table. Pour l'instant, non. Pas tellement la rhubarbe. C'est sweet. C'est sweet. Du saké traditionnel. Ah, bah voilà. La sauce. La source. Jusque là, c'est franc, non, c'est ça. C'est toi qui le français. Tiens, vas-y, de toute façon, il y aura la bouteille, mais teste la quantité. C'est un saké Charlemagne. Qui est produit en France, qui est exporté au Japon. Ah, c'est marrant ça. Et c'est très rare du saké importé au Japon. Ah oui. Enfin, que le Japon importe. Ouais. Donc, il y a ça, et qui est très bon aussi avec de la charcuterie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouffez pas tout! Avec du salé, ceci. On a des bons. Il y a encore un autre fouet que j'ai pas coupé. Il y a ça aussi. Ouais. Il y a du guac. Voilà. Du guac. C'est vrai? S'il y a quelqu'un qui veut. Les avocats, j'ai pas eu de mal à les couper donc. Voilà, ils sont tout mous, les avocats. Ils sont beaux. Non, parce que sinon, il y a des gratons et mon dieu, que c'est bon. Je pourrais avoir des gratons. Ça rime. Ouais, fais passer les gratons là-bas. Parce que... Je vais passer les gratons. Parce que j'ai fiché le terrain. Et on fait tourner les gratons. Et avant que Grandage nous claque entre les pattes, c'est à son tour de parler avec le dossier de Grandalf. C'est pas Glandalf. Gandalf. Glandalf. Gandalf. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Pas loin. Alors, comme tout à l'heure, je me suis trompé de nom, mais je vais encore plus me tromper de nom. Donc, c'est une BD de Gérard le Charcutier. Jean-Michel Poissonnier, Timothée le Boucher. Timothée le Boucher, alors, qui l'a lu autour de la table? Ouais, il y a un moment, ouais. Donc, quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde, c'est bien. Sauf Anacolute. Et comme j'ai pas envie de me faire spoiler, je pense que je vais m'isoler un petit moment. Parce que j'ai très envie de la lire et j'ai pas envie d'un... Je m'en Captain Balacamère. Je vais aller me prendre, je vais prendre l'air 2 secondes. Et alors, je reviendrai ensuite. Je vais commencer par lire le 4e de couverture parce qu'on est, on est quand même court. Et Jésus dit à Matthieu. Descends de train et gonfle les pneus. Que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne viviez, que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux? C'est comme les parents quand ils peuvent pas manger, tu vois, c'est un peu pareil. Un peu comme la bohème. Tu vois. C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal et pas Le Pen. Oui, oui, je vais enchaîner. Voilà. Un jeune homme d'une 20aine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour s'organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son autre, par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps. Ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps. Alors, qui sait combien pitch, de temps... Le pitch va beaucoup trop loin. Ouais, reste... Pire, c'est ça, j'avais même pas lu ça. Le pitch raconte tout le bouquin. Ah, je déteste ces 4e de couverture. Qui sait combien de temps, combien de jours lui reste-t-il à vivre avant de disparaître totalement? Ah bah j'ai bien fait. C'est écrit par Tom Poisson, c'est ça, non? Alors c'est pas vrai, il raconte pas tout le bouquin. Il raconte jusqu'à un certain... Va très loin. Il te raconte plus de la moitié. La moitié, quoi. L'élément perturbateur. Moi je me serais arrêté au fait qu'il y a une deuxième personnalité. Quoi. Le titre il donne quand même beaucoup d'indications. Peut-être, mais moi je me serais arrêté au pitch en disant que c'est quelqu'un qui prend sa place. Ou au fait qu'il a l'impression de rater des jours. Voilà. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut tester le sac? Pas pour l'instant. Pas pour le moment. On va peut-être attendre que les bières descendent un peu. Ouais, non. Ah bah mélange avec la bière. Moi je veux tous le même verre, s'il vous plaît. Moi j'ai 3 verres. Gagne de temps. Juste out au sac. Gagne de temps. Marshmallow, vanille, sac. Alors, on va préciser que c'est un, ce que j'appelle roman graphique, hein, c'est un peu gros. Hein. Ouais, non, un roman graphique, c'est ce qu'a n'importe quoi, gagné hein. Hier. Non, c'est le roman photo que je suis en train de lire. C'est vachement bien. J'ai envie de taper donc mes personnages. C'est un one-shot très épais. C'est un one-shot, voilà, très épais. Et, le shérif. Et c'est chez Glénat et c'est 22,50€. Et même c'est le prix. Est-ce qu'on en a pour notre poignet? Merci Maryse. Je l'ai payé 5€. Donc autant te dire que ça, est-ce que ça a été rentabilisé? Oh là là. 3 fois oui. Merci les vides du grenier. Voilà, très bonne rubrique. Alors, ah oui, voilà. Bah... Allez, on passe à la suite. Alors, les questions des invités. Alors, donc. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers? Alors déjà, moi je dirais que graphiquement c'est pas fou et même au contraire ça a failli m'arrêter de le lire. Ah ouais. Petit à petit on s'y fait parce que c'est vraiment un style particulier. C'est pas que c'est moche, hein, c'est un style. Ça fait style très animation quelque part. Ouais, avec un côté comment il s'appelle? Légèrement des aplats un peu. Non pas vivesse quand même. Ça fait du vivesse raté. Ah ouais, quand même. Ça fait non ça ouais c'est un peu proche de. Non, ce que je veux dire c'est que c'est avare de traits volontairement. C'est meilleur vivesse parce que le vivesse c'est. Enfin... Ah le chemisier ça casse pas trois pattes un canard. Ça dépend ce qu'il fait. Voilà. Ouais. Non, mais il a quand même ce côté de savoir faire des trucs avec très peu de traits. Ça, c'est vrai. Et là, tu as une espèce de simplicité de traits qui fait un peu penser à ça. Sauf que je trouve ça un peu rapide. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il va mélanger parfois, tu vois, des personnages dans les mêmes scènes. Certains ont un côté assez dessin japonais, alors que d'autres ont un dessin assez européen. Son pote, un de ses potes, là, quelque chose. On dirait qu'il est issu d'un Miyazaki raté. Oui. Voilà. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai. Hein. Et donc, ce mélange me gêne un peu. Il y a des gros aplats de couleurs qui, finalement, rendent le truc un peu plus acceptable parce que ça rend le truc assez sombre. Mais graphiquement, j'ai eu du mal. Ça fait penser au monde d'Aldébaran, par exemple, tu vois, où le dessin est très moche et le scénario est très bien. Ah oui, le monde d'Aldébaran, oui, ça je vois. Ouais. Léo, comme, tout ça, tout ce qu'a fait Léo. Betelgeuse, tout voilà, ça. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Ben voilà, c'est ça que je cherchais, tu vois. Ça me rappelait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. C'est vrai qu'il y a pas de jeu en particulier sur les couleurs, c'est des aplats très sobres et ça va bien avec le ça simplifie presque le truc, il y a des ombres franches et tout, c'est assez c'est ça, ouais. Ça. Il y a très peu de jeux de finalement la colorisation améliore le truc. Ouais, complètement. Ah mais moi j'aime beaucoup le trait en fait, c'est moi après, ça va non, ouais, mais c'est vraiment une question de goût. Hein. C'est vraiment une question de goût. Moi je l'ai vraiment trouvé très joli. En plus je crois que j'ai la dernière à l'avoir lu, je l'ai lu ce matin. Non, c'était en janvier. Oui, mais ce matin de janvier. J'ai ce pas matin dit de janvier de décembre. Oh putain, merde, quel jour. Non, non, février. Oui. Ah, calme-toi. Ça va aller, t'en fais pas, on va tout expliquer. Non, mais c'est vrai que le trait. Moi, pour le coup, moi, j'avais beaucoup aimé ce côté très simple et légèrement japonais, très animation. Mais moi, l'histoire, j'ai vraiment très bien aimé. Je sais pas. Ah, l'histoire est très bien. L'histoire, elle est vraiment belle. Et moi, j'ai pas. Enfin, je sais. Parce qu'on nous avait dit que ce serait bien de le lire, mais merci la moto. Mais je sais pas, vous saviez de quoi ça parlait ou pas du tout en fait quand vous non, vous non plus pour ça. Oui, j'avais pas lu la quatrième. Je m'en rappelais plus parce qu'en fait j'écoute le One Night Club et ils en avaient parlé. Ils en avaient parlé il y a dans les numéros donc il y a déjà au moins 6 mois. Oh, mais Yolande permet parce qu'il est déjà sorti l'année dernière. Et du coup ils en avaient parlé. Mais ils n'avaient pas dit la résolution justement de la fin. Heureusement. Ils avaient dit parce que ça justifie les moyens. Ah, mais t'es tombé sur une. Ah, il y a des tétés. Il y a des tétés. Et puis les rouquines. Moi, j'ai pas du tout aimé. Mais tu l'as j'ai pas lu en fait, c'est ça. Ah, ce que j'allais dire. Mais tu as lu. Mais après, c'est ça. Mais c'est pour ça que je donne mon avis. Non. En fait, tu découvres vraiment une histoire d'un point de vue, du point de vue du héros. Et qui, bah, du coup, a des troubles. Ouais. Ces jours d'absence dont il est remplacé en fait par une autre personne qui ne prendra jamais le qu'on ne verra jamais en fait non, on ne verra que ce qu'il envoie lui oui c'est ce qu'il envoie c'est ça et c'est ça qui est c'est une très bonne idée ouais. Le point de vue est hyper intéressant pour le coup. On voit que vraiment le point de vue du héros et en fait c'est ça en fait c'est comme si on a deux personnages de son identité deux personnes qui parlent ensemble qui vivent enfin dans la même pièce et tout qui vivent des trucs différents et qui se croisent et là en fait on a la même chose mais avec une personne qui partage le même son corps avec une autre personne, une sorte de dédoublement de la personne. Je serais assez intéressé de voir l'auteur écrire l'autre histoire. Ouais, ça pourrait être rigolo. Ouais, c'est ça. Et on fera un diptyque et il pourrait le vendre. Parce que là, souvent, vu que t'as le point de vue, comme t'as le point de vue du personnage de départ, c'est ça. T'as l'impression que l'autre est un connard parce qu'il le vit comme ça. Mais c'est ça, mais l'autre, il va se poser... Forcément, c'est subjectif. C'est ça, il doit se poser les mêmes questions. Il va se dire, bah merde, je... Pourquoi j'aurais moins de droits que l'autre voilà. Et pourquoi je dois partager mon corps avec quelqu'un d'autre, alors que, bah non, moi, j'ai envie de vivre et avoir une vie complètement différente. Parce mais de toute façon, son avis, on l'a infini. Il y en a un qui est beaucoup plus dans l'artistique et l'autre beaucoup plus dans le pragmatisme. Dans le concret. C'est ça, et c'est vraiment... Le réalisme. Deux façons de vivre et deux façons de vivre complètement à l'opposé. Et c'est ça qui pose le souci de cohabitation. L'autre il laisse faire. Cohabitation, genre Jospin avec Chirac. Ouais. Il se fait manger peu à peu et du coup ses jours disparaissent. Sont comptés. C'est compté. Ça. Alors, hors la résolution de fin que je trouve assez facile et qu'on voit venir comme un camion, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi, je suis quand même laissé l'avoir. Moi, je me suis posé les questions justement quand ils ont montré à un moment une partie de la résolution. Ah oui, bah, on l'a ça venir. C'est déjà, après, le quatrième de couverture, c'est marqué. Ça va passer là, et après, je me suis demandé, mais attends, est-ce que du coup, c'est bien ça la résolution? Et dans la dernière fois, je fais, c'est vraiment bien ça le truc. Mais t'as quand même un petit doute qui dit, est-ce que c'est possible que. Après, la finalité, c'est pas le. Mais. C'est pas le sel du. En fait, il est dans une simulation. Non. Mais là. Ouais, c'est bon, t'as épargné de lire le bouquin. Non, mais. C'est... Non, c'est pas tout à fait ça. Mais toujours est-il que moi, je trouve que c'est assez réussi, même si il y a des moments où il y a des longueurs, quoi. Oui, il y a des moments où ça... il y a des moments qui auraient été mérités d'être mieux. D'être plus courts. Surtout au début, en fait. Le début, surtout. Il est plus là, il est absent pendant une durée, puis il revient, il revoit ses potes, puis il est plus là. C'est ça. Pendant une durée un peu plus grande, puis il revient, puis il revoit ses potes, il se passe la même chose, puis il est plus là. Mais ce qui est marrant, c'est que ça se répète beaucoup au début, puis après, vu que. Remarque qu'il peut. Vu le ressort scénaristique, ça devient plus intéressant. Mais remarque en y réfléchissant, justement, est-ce que le fait que ça se répète pas au début, bon déjà, parce que c'est vraiment jour sur deux, mais est-ce que c'est pas, ça montre pas en fait ce qu'il doit vivre, vu qu'il a très peu de jours. En fait, c'est vraiment qu'une répétition. Il va voir ses potes. C'est bizarre, ça me rappelle un film japonais. Mais non, tu mais te rappelles et j'ai bien aimé le doute aussi qui était instillé à un moment donné avec avec une tierce personne, enfin comment dire sans spoiler, la copine, non pas la copine, bien plus tard, bien plus tard par le psy c'est ça, j'aime bien plus le doute qui est instillé parce qu'au début on le suit vraiment, on se dit bon ok, tu retournes un petit peu en fait on voit au tout début c'est vraiment on est avec lui, on se dit que voilà ça, on sait à peu près où on va et que on sait à peu près avec qui sur qui avoir de l'empathie, etc., avec qui, et au final, t'as ça qui vient, et tu... ça te retourne un peu la chose, mais au final, c'est vrai, c'est pas faux la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le cas, est-ce que c'est vraiment lui qui doit primer sur l'autre, ou pas, c'est vraiment assez intéressant. Du coup, est-ce que vous, ça vous a fait changer d'opinion sur le fait de qui est le vrai, entre les deux, entre l'un et l'autre? Oui, moi, oui. Moi non. Pas vraiment. Moi non, parce qu'on a vraiment son point de vue à lui. Oui. J'ai dit, putain, je me fais niquer. En fait, ça aurait. Oui, c'est ça. C'est moi, la théorie. Et c'est pour ça que je pense qu'il faisait un bouquin sur l'autre personnage. Moi, elle se tient. On pourrait avoir l'autre opinion. Moi, je trouve qu'elle se tient, mais le problème, c'est que je trouve qu'elle est pas assez développée. Enfin, on n'a pas de doute qu'il y a encore plus instillé que ça. On n'appuie pas assez dessus. Donc, moi, ça m'a pas trop changé mon point de vue. De toute façon, je pense qu'au niveau de la BD, vu qu'il y a un ressort, à un moment, là, on va parler comme ça sans vraiment spoiler, mais à un moment, on va devoir spoiler. Spoiler. On va spoiler. Je sais pas. Mais moi, au contraire, ça m'a conforté dans l'idée philosophique du livre. Après, c'est plutôt ça. Moi, c'est plutôt là où je me suis dit, ah ouais, finalement, en fait. C'est sur les questions d'identité, c'est ouais, c'est ça, c'est la recherche de d'une identité, tout simplement, de qui on est, comment on peut réagir de telle façon, et de comment on vit, de comment on est vu par les autres, c'est tout ça que ça explique en fait. Moi, c'est là où il est fort. C'est le changement sur le lecteur qui m'intéressait, en fait, de l'aspect que l'on peut avoir sur une personne, parce qu'on nous présente Lupin depuis le début comme étant le héros, et arrivé un moment, on se rend compte que c'est peut-être pas lui le héros, et que finalement, ce serait lui le parasite. Voilà. Et je trouve ça assez intéressant qu'on se rende compte une nouvelle fois que l'on peut être très influencé suivant les informations que l'on nous donne. Oui, c'est une question de focalisation et de point de vue en fait. Mais c'est... sinon, pour le reste, fake news, tout ça. BD m'a pas... D'où l'idée de ce que je disais, si on voyait l'autre point de vue. J'ai du mal à me mettre au début. Ouais, le début est dur. Bateau, et à part quelques bonnes idées, c'est de la répétition, le dessin me charme pas non plus énormément, donc ouais. Moi, ça m'a... Le dessin m'a tiré, ça m'a tiré. C'est les 10 premières pages qui ont failli avoir raison de moi. C'est ça. Ou déjà scénaristiquement, j'ai pas compris. Il y avait tant de mises en scène autour d'un numéro d'acrobate avant que qu'il y ait. Ouais, tu te demandes s'il n'y a pas un truc caché là-dedans. Ouais, je cherchais la symbolique. Je suis revenu en arrière, j'ai cherché des symboliques. Ah non, mais il y en a pas. C'est un peu dommage. C'est juste il se fait plaisir au départ. T'es pas justifié, t'es pas. Il n'y a pas un fil conducteur assez naturel que tu peux relever assez naturellement pour dire ok, ça va planter une intrigue. Voilà, pendant 5 minutes, t'es un peu perdu. Déjà, comme disait Randall, le dessin n'est pas super évident pour quelqu'un en plus qui n'est pas habitué à faire de la BD, à lire de la BD comme ça. Moi, ça m'a un peu mis un frein. Sincèrement, au bout de 5 minutes, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je continue, je reviendrai dessus après ou pas. Et je savais pertinemment que si je revenais pas de. Enfin, si je ouais, si tu n'aurais pas refait l'effort. Je ne serais pas revenu. Bon, puis après, il y a tout un scénario qui se met en place qui est plutôt bien trouvé. Comme dit Randall, moi, je serais curieux d'avoir la même version, mais de l'autre point de vue. Ouais. Voilà, l'arrivée de l'autre personne et de comment il réagit lui de son côté et qu'est-ce qu'on a en place. Et je pense qu'on aurait complètement l'idée inverse. On serait en train de dire l'autre, c'est vraiment inconnu. Et puis voilà, et après, l'avancée dans le temps, et il y a juste un truc que moi j'ai relevé, Je me suis demandé s'il y avait un message caché derrière, c'est si tout le monde a vu la même chose. À la fin, l'aide-soignante, c'est quand même une femme à barbe. Ouais. Oui. Voilà. Oui, mais ça, c'est juste un, enfin, c'est un délire. C'est un délire futuriste. Oui, mais ouais. N'empêche que moi, je l'ai juste relevé. Ça m'a pas choqué, mais j'ai juste relevé. Moi aussi, j'ai vu ça. Fait bas. Enfin, c'est voilà. Pour moi, c'est... enfin, ça me dérange pas. Le... Non, je pense que... Non, c'est pas ça. Mais je me... mais ça arrive tellement brusque d'un coup que t'as une un personnage qui arrive comme ça, qui est de trois quarts face et tu fais. Même je pense qu'à un moment, je sais pas si t'as vu, je sais pas si tu veux, vers la fin, on la voit chanter à l'Eurovision. Oui, Par contre, je me suis dit, ça aurait... tu vois, ça... j'ai trouvé juste que ça tombait brut. Mais par contre, vraie question. Je me suis dit, ça avait été juste une scène annexe qui te montre des changements dans la société, changements de mœurs, ou des trucs comme ça. Mais justement, mais non, c'est impossible par le fait. Ouais. Avant, justement, avant que t'as ce gros tweet. Où tu vois, t'as des avancées technologiques et de changements qui passent. Du coup, tu vois pas forcément beaucoup, mais tu vois que ça avance petit à petit. Non, ouais. Quand ça arrive, moi je fais, le fossé entre la technologie et le sociétal, pour moi, est tellement important aujourd'hui dans notre inconscient que si tu n'accompagnes pas justement l'évolution de la société, sans forcément essayer de l'expliquer, mais au moins de montrer qu'elle évolue, ça peut créer un déséquilibre. Moi, je te dis, j'étais surpris. Ça m'a pas choqué, mais j'étais surpris. J'ai fait merde, une femme à barbe. Ça s'est arrêté là, mais je me suis dit, putain, je l'ai pas vu arriver. On sait pas. Moi, j'ai vu que c'était un. Ou c'est un homme avec des seins. À barbe et qui portait des vêtements de femme. Après, voilà, moi, j'ai vu. Il y a pas. Et qui a pas de prénom féminin, je crois. Il y a. Je crois que c'est Cécile ou un truc comme ça. Cécile ou Céline ou un truc comme ça. Céline, ouais. Mais très bon nom, Pierre Céline. Tu peux donner un garçon. Personnage charmant. Opinion politique. Ouais, ouais. Comme Maurras, très bien. Comme ça. Mais j'étais en train de me poser la question, mais au final, je pense que ça va tomber un peu à l'eau. Personne n'a une fourchette. Mais le fait que justement, il y ait ce personnage féminin masculin, en fait, qui fait en gros, c'est une ambiguïté, une dualité. Est-ce que ça rappellerait pas la scène que tu vois au tout début où il est justement cette scène d'acrobate? Où en fait il est un peu grimé, on aurait dit avec une barbe, et il a justement un costume féminin, etc. Je crois que c'était péremptoire pendant que je lisais, ouais. Qui me disait que, enfin, il disait que la scène, c'était la première scène du, ouais, ouais, on va dire Linky Pete, que t'avais pas, où tu y cherchais une symbolique, et c'est ce qu'on disait. Ouais, et c'était, ouais. Mais ce que j'étais en train de me demander, si c'est pas en fait justement ce numéro d'acrobate, à part pour montrer que Libin c'est un acrobate, est-ce que c'est pas. Un dédoublement en fait. C'est pas pour montrer justement la dualité qu'il y a, parce qu'il est d'abord costume en femme, il enlève le costume, il danse avec, c'est plus le dessinateur qui s'est fait un kiff parce que ça doit être sympa à dessiner quand tu. Ouais, mais symboliquement ça peut aussi marcher avec aussi. Il y a les deux, parce que c'est vrai que finalement de quoi ça parle. Je pense que ça parle de la recherche d'identité en fait. De ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu ne. Pas si profond que ça. Pas si profond que ça du tout. Non, mais ça peut. Si tu prends les personnages, que ce soit Lubin ou ses amis. Aucun n'a de développement. Finalement, le temps passe, ouais, c'est bien, t'es mon pote, je t'ai pas vu depuis 10 ans, 20 ans. C'est vrai que la fin, finalement, les potes sont assez lisses. Le héros a quand même une certaine évolution, mais tous les autres. Ouais, mais c'est une évolution Tamara, assez bateau, ouais. Assez lisse. C'est ça, mais ensuite, quand il arrive, il reste qu'une seule journée aussi. Donc t'as pas le temps d'avoir toutes les informations. Oui, mais c'est là que tu peux te retourner vers les personnages secondaires, et finalement à pas raconter ce qui leur est arrivé pendant X temps, oui, que machin, il y a aucune évolution. Machin est avec. Bah, remarque après, est-ce que tu peux vraiment remarquer une évolution chez des potes si tu les as pas vus depuis des années? Là, c'est du point de vue du personnage, ça reste en une journée quand même comme scénario. Oui, voilà, c'est ce qu'on verra, mais c'est vrai que ça se mord la queue son propre concept. Ouais. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça, ouais. Le concept est fort, mais la réalisation est un peu. C'est bien, mais pas mieux faire. Ouais, mais pour moi, c'est ça aussi. Moi, j'attends le séjour qui apparaisse. Ce sera celui de l'autre. Comme Tyrandal, tu fais le pendant avec l'opposé, tu appelles ça le séjour qui apparaissent. Le mec, il revient à la conscience d'une manière X ou Y avec tout le développement de l'autre côté. Et tu mets ça en parallèle et tu. Voilà. Grosso modo, ça m'a quand même laissé sur ma fin. Moi, j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai bien rentabilisé ma matinée. Ça, c'est le filaire, globalement. Enfin, ça se laisse lire, ça fait quand même 190 pages. Ouais, tu mets un peu de temps pour la lire. Faut se l'embananer. Moi, je l'ai bouffé assez rapidement. Pour quelqu'un qui est pas bon, bébé, t'as vu le temps que j'ai mis, c'est le temps que tu savais déjà, j'avais fini. Sorti des standards, il a fallu que je bataille quand même un peu pour aller chercher là. Je crois que j'ai fait en deux fois, moi, pour le dire. Ah ouais. Je me suis pas ennuyé, ça va. À l'inverse, c'est pas désagréable à lire. Non, c'est pas repoussant non plus. Mais voilà, à la limite, à la fin, tu fermes le bouquin, tu te dis « Ouais, j'aurais peut-être pu faire autre chose. Ouais, » Ça ne restera pas dans les dans les esprits, je pense. Temps perdu. Rendez-moi ce temps qui a disparu. Alors, tu as flingué, il a jamais même si je pense qu'il peut y avoir des symbolismes assez sympas, je pense, là où je suis assez d'accord avec Jean-Jean, c'est que, justement, c'est peut-être pas la BD qui... Non, ce que je voulais dire, c'est que même s'il peut y avoir des trucs un peu sympas à dire, là... à développer. Je suis assez d'accord avec Jonjon sur le fait que c'est vrai que c'est pas la BD la plus profonde qui sort. Ça aurait pu être un peu plus. Donc c'est pour ça que ça me marquera pas non plus comme c'est pas ma BD préférée. Mais cela dit, c'est pas très plutôt, bon. Hein. Alors ça c'est sûr. Parce que plutôt. Hein plutôt, c'est la. De toute façon, tu me demandes si je dois si je dois être intégré avec deux BD, il y a Plutôt et Silver Surfer Parabole. Voilà. Le reste. Deux grosses merdes, deux dos basses. Et non, c'est un de Joe, c'est la couleur. La mort du Silver Surfer. Ah, le Requiem. Ouais. Il est bien aussi celui-là. Excellent. C'est dans le pilote audio de Winchlou, c'est plus c'est tout. Alors que moi, je vais t'enterrer avec Mein Kampf. Oui. Non, bah. très bon livre. Très calme-toi. Bref. C'est bien écrit, par plus sûr. Oui, vachement. C'est toi qui fais le montage. Hein. Personnellement, quand je l'ai lu, en fait... quand j'ai lu Ces jours qui se passent, en fait, vous me l'aviez vendu comme un truc qui allait me bouleverser. D'après ce que j'avais compris, la fin devait bouleverser, et toi, t'avais failli verser une larme à la fin, ou faire un truc comme ça. Moi, tu sais, je suis un philosophe. Je sais plus qu'est-ce que vous aviez dit. philosophe. Et en fait, moi, ça m'a juste fait dire, ouais, ok, ce mec a eu une vie horrible, voilà. Ouais, mais la fin, en fait, c'est... C'est tout. Il arrive tellement peu de fois en fait, il perd sa vie. Ouais. En fait, c'est la façon où plus ça va. Moi, à la fin, j'étais accroché à lui et dis ah, putain, vas-y. Accroche-toi. Ouais, c'est ça. C'est, vas-y, mais tu vas forcément trouver un truc. Et à la fin, tu fais. Ouais, mais non. Plus le temps passe, plus t'es bloqué en fait. Le mec a juste eu une vie de merde. C'est ça. Voilà, c'est fini. Mais plus le temps passe, plus en fait, il est vraiment bloqué, il peut plus rien faire. Mais c'est là qu'elle est là, la philosophie de tout le bouquin. C'est justement ça. C'est une analogie de la vraie vie en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une dissociation de l'identité pour être comme ça. C'est tout le monde. C'est dit, à bout d'un moment dans ta vie, des fois, tu te sens un peu acteur de ta propre vie. Tu vois, t'es un peu. Un peu là, il y a les trucs qui se passent, les trucs qui t'arrivent, des trucs dans la gueule, et tu te dis putain, ouais, encore d'autres trucs, c'est pour ça qu'il m'a. Moi je pense que Gandalf est aussi une personne dont les jours disparaissent, parce qu'on me l'a décrit tellement bizarrement et que là ça va en fait. Moi je vais sortir ma bite. Ah voilà. Après, ça ressemblait plus à ça. Hein. Ça, c'est raccord. Ouais, donc du coup, moi, je me demande s'il n'y a pas de Gandalf. Non. Personnellement, la fin m'a fait penser, en fait, quand j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, ouais, ça me fait penser au clip de la musique Shelter, de Porter Robinson et Madeon. Donc, si vous ne l'avez pas ça vu, me parle. Ma référence, mais si je le dis, ça va spoiler toute la fin. Voilà, donc tu vois de quoi je veux parler. Mais non, j'ai une autre référence, justement, par rapport. D'accord. En fait, ça m'a fait beaucoup plus penser à ça, sauf que vraiment le clip de Shelter me fait chialer. Alors que là, ça m'a juste fait dire ouais, ok, le mec a eu une vie horrible. Ouais, je suis philosophe, tu le sais. Il est trop empathie avec le gars pour dire qu'il a une vie complètement pourrie en fait. Bah, pour moi, ça aurait été tellement une vraie analogie de la vraie vie. C'est ça qui m'a. C'est vrai qu'après, ça, dans l'exécution, c'est. Alors, rappelle le titre et l'auteur. Alors, l'auteur, c'est Jean-Jacques Le Boucher. Jacques Boucher. Ou Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher. Ces jours qui disparaissent, donc c'est chez Glénat qui a Glénat qui sort des bonnes BD depuis quelques années. Ouais. Là, à une époque, c'était le tout venant du caca. Maintenant, c'est chez Bongo. C'est chez Jungle. Jungle. Chez Soleil, d'ailleurs. Soleil, ça c'est. C'est pas mauvais. Oui, mais Soleil, chez Soleil, 50% de. Il y a quelques années. Oui, c'est ça. C'est justement parce qu'ils ont fait Métamorphose qu'ils sont tombés. Quand tu vois le dernier Tarkin qui est sorti et tu vois les derniers Lamfast, tu fais ah ouais, c'était que le mec il était vraiment arrivé au bout du système quoi. Parce que c'est Arleston qui arrive au bout du système. Tu as vu le dessin des derniers Tarkin? Non, j'ai pas vu le dernier. Fantasy. Parce que Tarkin est bon normalement. Bah, le dernier Lamp Fest, c'était la dernière BD qu'il a sorti, je crois que c'est chez Glénat d'ailleurs. Ouais. Mais quand tu vois la différence dans le dessin, bah, tu pleures. Bon bah, avant 3h. Voilà. Non voilà, ne faites pas, les éditeurs, faites attention, voilà. Achetez, achetez Minecraft. Achetez français. Français. Achetez Minecraft, c'est français. Hein. Ça me dit tellement de cœur. Qu'il est lourd. Mais ça, non. Ça perd la traduction. Ah, prends ta chouette de Noël, va dormir. C'est surtout que ça perd la traduction. Non mais relance pas, toi. Mais pas 100 balles dans la machine. Bon, bah, on a fait un bon tour de la BD, j'imagine. Jinx. Puisque, et comme on aime s'amuser, j'imagine qu'on va poser quelques questions aux à nos invités, ouais, ouais. Okay. C'est la fête. Et vous êtes, emmerdés si on prend les mêmes numéros? Oui. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! Viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! On va manger des chips! T'entends? Bon, des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips! Très bien! On va poser des questions parce que. Ah, il y a à manger! Les questions aux invités! Qui veut commencer? Musica, tiens, tu vas commencer! Le 4! Le 4! 4, le 4, je ça n'a pas été fait. D'où viens-tu? De Toulouse. Bon, bah, voilà. Okay, ça c'est, gagné. on n'avait pas dit qu'il fallait que je réponde une connerie. Ah, non, bah, tu ah, bah écoute, comme bon. Ça va vite, c'est bien. Voilà. Ça prend pour le pipi après. Hein. Loli, on va continuer? Vas-y. 29. 29, est-ce que ça a été fait le 29? Non. C'est bien, et c'est une question justement d'Oasis. Comment Bob l'éponge fait pour cuire des steaks sous l'eau? Bah, vu que c'est du crabe. C'est pas. Jacques, enfin, les couilles, c'est du surimi. Jacques, c'est pas cette réponse très sensée. Voilà. Jonjon. 92. 92. Oh, tu l'avais déjà dit? Ah, c'était pas 93? Non, non, bah, 91. Ben... Ah, bonne question, je crois que je connais la réponse. Magneto peut-il faire bouger le marteau de Thor? Ah. Effectivement, oui. Je crois que oui. J'avais lu dans un article sur les gens qui peuvent soulever le marteau de Thor. Parce que j'ai des. Parce qu'il n'est pas digne. Ouais, mais. Oui, mais avec ses pouvoirs. Il y avait un article qui disait qu'il était possible. Remarque. Est-ce que tu as regardé, tu as regardé les 25 000 épisodes de WatchMojo qui en parlent? Bah, faut demander à Mythbuster. Hein. Faut demander à Magneto et le marteau de Thor. Vous connaissez le petit nom de Magneto? Serge Cop. Mais là, voilà, c'est ça. Vraiment tout ça pour ça? Tu t'as tenté vraiment un truc intelligent? Non. Mais non, quand même. Un truc mieux peut-être. Monsieur du flag. Le 12-21, j'ai déjà fait. On va faire le 22. Le 22. Manière. C'est une question de Randall Flag. Non, merde. Oh mon dieu, pourquoi tout attaché s'écrit séparé alors que séparé s'écrit tout attaché? Bonne question. Et d'ailleurs, si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, on fait comment pour le savoir? Ne prenez pas la question 23 vu qu'il vient d'un spoiler. Je vais marquer les deux, c'est bon. mon dieu. À la fin de Dumbledore, il Anna? La question 69. Hein. Très bien. Elle est érotique. Oh, très bonne question. Est-ce que tu es plutôt Friends ou The Big Bang Theory? Plutôt Friends ou The Big Bang Theory? Ah putain, c'est chaud. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des mauvaises réponses. Je pense que je vais il dire. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que des mauvaises séries. Friends, même si je suis vachement revenue ces derniers temps en fait, sur mon appréciation de Friends. Je pense qu'on est plus début de Friends et début de. De Big Bang Theory en fait. Début de. Début de série, ouais. Non, mais même moi, Friends, sur l'intégralité, après, c'est plus sur l'ensemble du propos de Friends que je suis revenue. Mais Friends. Friends. Friends quand même. Ignoble. Est-ce qu'on n'est pas des fous? Est-ce qu'on se referait pas un petit tour de... On avait dit qu'on en faisait trois tours. Hein. Ah, on va en faire deux parce qu'il ne faut pas abuser de plus. Mauvaises choses quand même. Hein. N'est-ce pas? Musica, allez. Venez voir, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? La 17. La question 17. 17 Oh, alors là, une question d'expert. Attention. Tu es plutôt grosse tête de Philippe Bouvard ou de Laurent Ruquier? Ouh. Ouh. Ah, attention. Question de madame Belpère. Loche. Alors. Merci pour le rire. Donc. Attends, il fait un. 4 à la fois, c'est perturbant. Je dirais Ruquier parce que c'est le dernier sorti. Moi, j'aurais dit le début de. Enfin, les années 70 de. De Bouvard. Avec Jean-Yann. Les années 80 même. Les épisodes avec Jean-Yann. Les années 80 avec Jean-Yann. Comment il s'appelait l'autre là ? Patrick. Martin. Ouais, tu mettais Jacques Martin et Jean-Yann ensemble et c'était mort. Un jour, ils ont fait une émission où Bouvard n'a pas pu poser une seule question. Ah ouais, ouais. 2 heures d'émission, pas une seule question. Ils ont pas pu. Pendant 2 heures, ils ont baisé l'émission. Ça, c'est à peu près le seul truc de bien qui a été fait dans cette émission. Non, mais c'est vrai. Baiser le pouvoir. Non. Faut de la volonté là. Faut dire que Jean-Yann était un sacré client et fallait seulement envoyer un enregistrement. C'est à peu près le seul qui a rendu la chose intéressante. Donc, tu es plutôt Laurent Ruquier. Lolo. Loli. Lolo. Lolo. 50. Est-ce que ça a été fait ? Je crois pas. Il ne me semble pas. Et c'est une question de. Randall Flagg. Eh oui, bien sûr. Votre maître à tous. Bon, bah, c'est un peu la même chose. Hein. De quelle couleur est un schtroumpf ? Qu'on est trop en haut là. Ça fait 2 fois que t'as des questions de schtroumpf. Ouais, ouais. On s'en bat les couilles, c'est de la merde les schtroumpfs. D'accord, c'est tangence communiste. Les schtroumpfs. Il y a que le grand schtroumpf qui a du rouge. Jean. Oui, enfin, c'est le leader du coup. C'est le leader maximum. 90. 90, c'est bien sûr. Oasis. J'ai même pas la fin de la question. Selon la convention 14 de l'ONU, si un avion s'écrase sur la frontière entre l'Allemagne et la Finlande, dans quel pays enterre-t-on les survivants ? Attention, il y a un piège. Putain, la question. Dans le pays. Réfléchis. Mais non, l'ONU n'existe pas. Non. Sur quel pays enterre-t-on les survivants ? Ah ouais, merde. Surtout si un avion s'écrase sur la frontière entre l'Allemagne et la Finlande. Il n'y a pas d'eau internationale entre les deux. Il y a double piège. Non. Il se noie. On rappellera que la plus grande frontière de la France, l'Anguille. Ça, c'est sorti du bac belge. Oui, c'est vrai. C'était c'est le genre de truc du style comme les types de paires d'animaux sur l'Arche de Noël. T'es pris dans le truc, t'es là, tu fais l'Arche de Noël. Monsieur Dufrègue. Oui. 20. Ouais. Le club, ça amuse. Une chose que tu voudrais changer. Voudrait en faire 3 à la place de 2. Mais quels sont ? Je sais pas. Je les ai tous changés récemment. Merci pour cette info. Trop d'informations. Un beau calcif. Donc au moins on sait qu'il y a deux gars et que monsieur porte des caleçons et que c'est pas lui qui s'en occupe. Parce que moi c'est toi qui les mets quand même. Moi je porte pas la culotte. Et enfin Anna. Une dernière petite question. 8. Question 8. Slip ou caleçon ? Slip ou caleçon ? Heureusement que t'as pas pris la 9. T'écoutes quoi en ce moment ? Non, mais dis donc. Oui. Ouah. Avec toi. Non, mais je réfléchis en fait. Beaucoup de musique classique. Tu aurais pu dire aussi, on écoute des discussions sur les caleçons de Randa Flex. Non, de la musique classique. Le travail écoute de Pergolèse. Voilà. La sinon j'aurais dû dire d'appartement. Ouais. Et voilà, c'est tout pour cette rubrique de haute volée. N'est-ce pas ? Voilà. Merci. On garde pour après, sinon. Oui. Faut vraiment pas abuser de. C'est bonne chose. Ce genre de trucs. Faut pas. Hein. Écoutez, on va continuer. Allez, hop là. Et ça va être autour de ce cher Asto qui a pas encore parlé de cette session. Il a pas encore fait de chronique. Oh, je vais chercher le bandeau, moi. Alors tu fais gaffe ou tu fasses. Ouais, oui, là, fais gaffe. Avec ta titre. Et ça va être un peu de culture japonaise avec Asto. Ouais. C'est parti. Asto, t'écoutons. C'est lui qui a le meilleur jingle. Ah bah ouais, c'est bon. Je reviens d'eau. Ok. C'est lui qui a le meilleur jingle. Il va mettre un abat-jour sur sa tête. Moi ? Ouais, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Bah voilà. Enfin, ça explique tout. Le gars, il est bien. Tu m'as atteint une belle tête de nœud. Ah, heureusement que David, il a pas vu ça. Oh, l'ivrogne. Tu fais plus ménagère des années, ouais. Des années 50. Ah, ça, c'est clair, je te vois bien, Cabanel. Ça fait la. Ça fait très la femme dans Tom et Jerry là. Oh là là, mon Tom et vous, t'as fait tout ce que tu as fait. Tu fais raciste. Michel Lab, t'en as Tu fais vraiment ivrogne de fin de soirée. La cravate. Ouais. Tu fais salaryman japonais, c'est bon. C'est ça. Salaryman japonais qui sort du bar. Après l'afterwork. C'est ça. C'est ça. À 2h du matin. L'oncle bourré au bout de la table aussi, ça marche. À quatre pattes. Je veux bien faire l'oncle raciste. Asto, on parle du japonais. Ouais, c'est un quiz. Alors, je sais pas trop comment organiser ça. Je n'ai pas envie de compter les points. T'as raison. Bah, du coup, on va pas les compter. Voilà. Après, je sais pas trop, est-ce qu'on fait ça à la bonne franquette, le premier qui répond, parce que c'est des questions qui vont être plus ou moins faciles quand même. Ouais. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. T'as combien de questions ? Dragon Ball 67. Ah oh, ouais. Enfin, j'ai 67 questions. Bon, bah, c'est des questions. Tout, tout c'est Naruto. Naruto. C'est thématique, c'est Dragon Ball japonaise. Ça va être assez global, il y a beaucoup de trucs sur la culture japonaise, il y a un gros tronçon d'une vingtaine de questions sur la bouffe. Ah, très bien. Le ramen. Par exemple. Ramène ta fraise. Par exemple. Les dorayaki. Par exemple aussi. Mais tu grilles lui pas ces questions non plus. Vous verrez. Donc c'est, je vais vous laisser répondre et après sinon c'est des QCM donc j'ai plusieurs réponses à vous proposer si vous êtes en galère. Hein. Est-ce que la réponse D c'est la réponse B? Non, oui. c'est il y a 5 réponses. Ah. Au cas où. Donc première question. Première question très simple. Quel est le nom de cette table chauffante japonaise où bien des héros de manga se sont endormis? La plancha. Non, très japonais. C'est pas teppanyaki. Non, c'est une sorte de table basse chauffante en fait. Ah, ah. Bon, je sais pas alors. La table bassue chauffante plus. Un radiateur. Il y a un système de radiateur. Alors je vais vous proposer des réponses. Est-ce qu'il s'agit du byobu? Est-ce qu'il s'agit du futon? Est-ce qu'il s'agit du kotatsu? Est-ce qu'il s'agit du rakugo? Ou est-ce qu'il s'agit du zabuton? Moi j'ai dit le rakugo. Dans le 3. Non, ce n'est pas. Moi, je te dirais que j'en sais rien. Moi, je dis le futon. Moi, je dis le rakugo parce que je sais que c'est pas ça. La 5. Moi, je dis la 5. Il s'agit effectivement de la 3, le kotatsu. Ah, ok. Le kotatsu qui est donc cette sorte de table basse. C'est-à-dire, c'est ton salaire, c'est ton kotatsu. Avec les couvertures intégrées. C'est pas bon signe, j'allais la faire. Oh merde. C'est la table avec les couvertures intégrées, là. Ouais. Je rêve de ce truc. Comment nomme-t-on une femme ninja? Une ninjette. Telle Tenten ou Hinata de Naruto. Tenten. Ou bien encore Ayame Sorutobi de Gintama. Une Tenten, mais Tenten au Congo. Est-ce qu'il s'agit d'une. Je veux pas voir qui c'est. Est-ce qu'il s'agit d'une Jinenchi, d'une Kunoichi. C'est ça, Kunoichi. Jinenchi, Kunoichi. Ou du Zenoichi. Kunoichi. C'est une kunoichi. J'étais pas loin. Est-ce que laisse après. Par quel terme un élève d'une classe inférieure désigne-t-il un élève d'une classe supérieure? Senpai. Abruti. Abruti. Senpai. Senpai. Ouais. Oussama. Je suis pas senpai. C'est ça. Senpai. Il appelle le kanpai. Et moi, je bois ma bière, senpai. Un élève d'une classe supérieure, comment il va appeler? Ah merde, un bleu bite. On met pas bata à la fin, non? Bata. Chan. Ils mettent pas de Tsukubata. Non, ça c'est petit. Ça plaît pas à mon ami Perdant, mais je dis trou du cul. Chan. Non, ça plaît pas. Il a quand même. Qui veut du bashfro? Est-ce qu'il l'appelle un dohai, un kohai, un motanai, un senpai ou un shingai? Kohai. C'est un kohai. Ah merde. Shingai, j'ai entendu. Comme les trains. Les trains kohai. Kohai. Avec la carte kiwi. Et c'est aussi le pont de la rivière. Kohai. Kohai. Mais tout est possible avec la carte kiwi. Exactement. Cette pub de l'enfer. C'est ça. Je vais l'avoir dans la tête maintenant, ça va être trop. Enchaîne. Quel terme désigne un maître qui donne son enseignement à un élève? Un sensei. Généralement, son nom est Saitama, ou pour Genos, ou Kakashi pour sensei. Naruto, c'est bien sûr le sensei. Non. Kakashi est partout. On dit monsieur. Et monsieur. Ah bah attends. Vas-y, bon, enculé. Question géographie. Ouh, vas-y. Combien de Tokyo compte-t-il d'arrondissements? Trop. Beaucoup trop. 10, beaucoup trop. 20. 51, parce que bah, 51. 12. Indice. Chez vous. Il compte un arrondissement de moins que ce qu'il y a dans Tokyo Ghoul. Hein? 10. Effectivement, c'est un indice. C'est un gros indice. Ah, alors je vais essayer de me rappeler un truc que j'ai pas lu. Tokyo Ghoul plus 1. Est-ce qu'il y en a 18, 20, 22, 23 ou 24? 24. 22. 18. 22, c'est Paris. Hein? 12. Moi, je dis 24. 22, c'est Paris. Vous m'avez donné toutes les réponses, sauf la bonne. C'est de 23. Comme quoi, quand ça ne veut pas. Hein, ah, c'est mauvais. Il y en a 24 dans Tokyo Ghoul. Il y en a 24 arrondissements dans Tokyo. Dans Tokyo Ghoul. Mmh. Bah, j'ai trouvé la réponse à Tokyo Ghoul. Quel terme désigne une auberge traditionnelle japonaise? Onsen. Comme celle que le quota d'un infini. Comme celle qui est par le personnage de Gintama dans la saison 3. Ah putain, une auberge. Ah, je sais plus. Vous m'avez dit un quoi? C'est pas un... Non, les onsen, c'est les bains. Non, onsen, c'est une source chaude. Ah, une source chaude. Ah, ça peut être avec. Il y en a souvent dans les auberges traditionnelles. Ah, je sais plus. Mais l'auberge traditionnelle, ça s'appelle comment? Ah, une bonne auberge. Est-ce que ça s'appelle un bunko? Quoi? Un dogeza, un godoroko, un nodachi ou un ryokan? Ryokan. Oui, c'était sa mère. C'est un ryokan, effectivement. Réponse collégiale. Question assez facile. En fait, c'est la suite du film Rio, c'est Ryokan. Je vais juste vous dire le début de la question. Quel est ce quartier de Tokyo? Shibuya. Akihabara. Bien sûr, c'était ça. Comme la bataille. C'est donc le quartier où se retrouvent les gens qui sont un peu geekos sur les bords. Quel est ce quartier de Tokyo réputé pour ses mets de café, ses magasins d'électronique comme étant un repère d'auteur? Il y a des jeux de PS Vita. Donc, c'est très bien. Quasiment. 9. Donc les jeux de PS Vita, c'est l'amour. Ok. Ensuite. Dans ce quartier de Akihabara. Akihabara. Vous pourrez assurément assouvir la passion de Keitaro Urashima dans Lovina. Ah, parce que ma passion à moi, ça aurait été chaud. Il y a une passion pour les mini-photos, des photomatons avec des petits autocollants. Comment ça s'appelle? Les pellicules. Les pellicules. Exactement. J'ai pas entendu, il y a tout le monde qui a parlé en même temps. Pellicules. Qui est une déformation de ma vraie pellicule. Non, pas du tout, en fait. Ah bon? Non, non. Pas du tout, en fait, ça vient carrément d'autre. Je pensais que c'était ça au début. En fait, je crois que c'est carrément autre chose, en fait. En tout cas, ça y ressemble. C'est encore un truc tiroir comme ils font souvent. Et justement, je pense que c'est la fusion de deux mots en fait. Donc, du coup, à propos de Keitaro Urashima, si vous avez lu Lovina, non, Lovani, ouais, encore. Il y a longtemps. Quel est le nom de la célèbre université japonaise qu'il aimerait intégrer? Todai. Sorbonne. Tokyo Daigaku. Moi, j'ai vu Dragon Sakura, attention. Donc, Tokyo Daigaku pour l'université de Tokyo, en fait, tout simplement. Ouais, c'est une des plus réputées, je crois, en plus du pays. Ouais, c'est ça. Alors, cuisine italienne, très fort Todai. Quel terme La Yurozu Durutreku. Alors, quel terme désigne les loups-bars japonais se déplaçant en bande? À l'honneur dans Bakuon Roto ou encore dans Young GTO. Ah, oui, donc là-dessus, c'est. T'as dit quoi? Il y a les Yankees, mais c'est pas ça. Non. C'est pas les Yakuza? Non, ça marche aussi en fait. Non, non. C'est j'aime bien redire les Yakuza, parce que c'est un mot rigolo. Est-ce qu'il s'agit des Bosozoku? Non. Des Budoka, des Gaijin, des Namasu ou des Ronin? Les Namasu ou des Gaijin? Non, les Bosozoku. Ah, tu passais au groupe là avec les bananes et tout là. Mais c'est ça. Les Gaijin, non, ça s'appelle pas comme ça. Hein. Les Gaijin, ouais, c'est les. Non, mais c'est le. Gaijin, c'est les étrangers. Les étrangers, ouais. Les étrangers. Ah, les pas français, mais du Japon. Comme dans Shaman King. Les guerres. Donc, quel est cet autre terme qui désigne également les voyous, souvent représentés avec des bananes et des cheveux dégueulasses, tels ceux de Rakai Bleu ou encore de Yu Yu Hakusho? C'est cela que tu veux dire. Comment il s'appelle ce putain de groupe? Est-ce qu'il s'agit des Ainus, des Daimyo, des Furyo, des Jurochi ou des Osechi? Furyo, il y a un film là-dessus même. Furyo. C'est Furyo. Les Furyo. Ah oui, c'est vrai. Les Furyo, les Furyo. Ouais, la musique, c'est la musique du film. C'est ça. Faut que je vois ce film d'ailleurs. David Bowie. D'ailleurs, David, ce genre d'individu, vous pouvez souvent les croiser en train de jouer à des machines à sous, des flippers. Les pachinko. Pachinko. Exactement. C'est pas vraiment des flippers, hein, ils comprennent pas tout. Non, c'est... Oui, c'est un jeu à baballe. C'est les typiques que tu gagnes. Mais c'est un jeu de hasard. C'est ça, ouais, c'est un jeu de hasard. Et en fait, ça, ta récompense. Mais t'en as au couteau noken. Mais parce qu'au Japon, tu n'as pas le droit d'avoir des récompenses en argent. Ouais, donc tu gagnes des tickets que tu peux échanger contre des lots que tu vas vendre en face contre de l'argent. C'est exactement ça. Oui, ça a été expliqué dans un Cozy Corner. Ah bon ? Moi, je sais ça. Ça existe encore, hein ? Alors, question assez facile. Vas-y, fais péter. D'un autre groupe social en fait du Japon. Mm-hmm. Quel terme désigne un cadre non dirigeant ou un employé d'entreprise? Le salaryman. Voilà, exactement. Le salaryman. Et donc chez les filles, ça s'appelle des salarywoman. Ah tiens, je sais pas, je connais pas l'équivalent féminin. Les filles, hein, pour les les salaryman. Salaryman without kékette. Non. Ça, je savais même pas que ça existait. Moi non plus, je savais pas qu'ils avaient un nom. Terme, tu parles, je encore plus. Une assistante ou une secrétaire. Une secrétarie. Est-ce qu'il s'agit d'une clerk woman, d'une desk lady, d'une office lady, d'une salary woman ou d'une working clerk woman? Office lady. C'est une office lady. C'est une office lady. Ouais, ouais, on a passé une office lady. C'est plus joli. Office lady. Le salary man et l'office lady. Comment se nomme l'équivalent japonais de l'association des parents d'élèves? Oh là, non, ça je sais pas. 32 millions d'amis. À laquelle Onizuka de GTO a souvent affaire. T'as une idée? Non. Est-ce qu'il s'agit de l'ATP, de la JSA, de la NHK, non, de la PTA ou de la TPA? TPA, non, parce que c'est la PTA. Alors. C'est la PTA pour Parent Teacher. Parce que moi, je sais que c'est les deux trucs qui sont presque pareils. C'est... Mais il y avait ATP, PTA et TPA. Ouais, et pas la PTA. ATP, c'est le tennis. Non, c'est aussi un truc dans la synthèse de l'ADN, l'ATP. Oui, l'ATP, c'est ce qui permet de conduire les... C'est ça. Et donc, la réponse était PTA pour Parent Teacher Association. Il a une HL. CQFD. Moi, j'aurais mis celle de la Prison School. C'est quoi la BDF, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. J'aurais mis la BDF. Ouais, le... Maradis BDF, j'aurais dit, oui, c'est ça. Le conseil clandestin des élèves. Le conseil clandestin. Le BDE. Le BDE. Bureau des étudiants. quel terme désigne des séries live ou des super-héros costumés? Les dramas. Sentai. Sauf souvent le monde de tel Bioman. Tokusatsu. Tokusatsu. Ou Sentai. Sentai. Mais c'est Tokusatsu à la base. Oui, mais ça, c'était avant qu'il y ait les groupes de... C'est ça. Oui, mais c'est un dérivé. Ouais. XOR. Le shérif de l'espace. XOR n'est pas... C'est... Toi, j'ai le dernier dinosaure, c'est ça. Toi, t'as écouté un truc de... Toi, t'as écouté... C'est ça. Ouais. Faut que je le fasse aussi. C'est vrai. Oh, t'es mignon. On va vous laisser. Non, c'est vrai. Mais t'es pas bien, on lève ce bandeau, il va toucher. Mais je veux pas que tu sois jaloux, je veux que notre amour il reste vivant. Alors je vais faire maintenant appel à votre sens de la mode. Ah, vas-y, on est tous trop fashion. De toute façon, on parle du Japon. Hein. C'est l'enfer de la mode, c'est vraiment super sympa. Comment ça s'appelle les sandales en bois qu'ils ont souvent? Ah merde, je sais plus. Les sandales en bois traditionnelles japonaises. Les tongs. Ils sont portés par exemple par Jiraiya dans Naruto ou Luciole dans... Dans Samurai d'Hyperkyo. Et dans... Il y en a un aussi dans... Comment s'appelle? Est-ce que dans Samurai d'Hyperkyo, il a plus le chemin? Il se fait mouiller. Ramin de Lee. Bah, dans tous les trucs de Romiko Takahashi. C'est ça. Romiko Takahashi. Takahashi. J'adore. Et donc, je ne sais pas. Une proposition, s'il vous plaît, monsieur. Alors, est-ce que ça s'appelle des bad socks? Des geta? Des geta. Des keita ou des nori? C'est effectivement des... Non, ça c'est pas David Guetta, ça. Continue. Tu peux taper en dessous si tu veux avec tes pieds. Il y en a qui sont déjà allés au Japon. Non. Non. Moi je suis jamais allé au Japon. Non, parce que l'épisode il est jamais sorti de quoi qu'il se passe, donc c'est pas vrai. Je connais des gens qui connaissent des gens qui sont allés au Japon. Moi j'ai vu des reportages. Moi je rêve d'y aller. Comment s'appelle l'aéroport international de Tokyo? Ah, oh putain. C'est Narita. Narita? Bah, c'est Haneda aussi. Je l'aurais pas eu. Oui, bon, je connaissais celui-là. C'est celui qui est plus. Haneda, c'est plus loin. Haneda? Je suis sûr que l'autre il est plus proche. Voilà, parce qu'il y en a qui est plus loin, donc l'autre il est plus tôt. Ça dépend d'où t'as. Allez, on passe sur la section bouffe. Ah, allez, c'est pété. Mais Kitori. Oh merde, il y a Kitori. Je l'ai peut-être un peu plus bas. Mais ceci sont pas vraiment. Kitori un peu plus bas. J'avoue, pas mal. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Arrêtez que ça parle à la fin. Quelle est cette pâtisserie traditionnelle ronde et moelleuse? Les dorayaki. La pâte de haricots dans un bol Doraemon, c'est effectivement les dorayaki. Faut regarder Les délices de Tokyo, c'est un film fantastique. Faut lire aussi Les délices de Tokyo, c'est un bouquin qui est très très bien. Il s'appelle Anne. Tout simplement, c'est la pâte de haricots. C'est Annie ou Anne? Ah non, c'est Anne, t'as raison. Anne Solo. Très bon film. Sans le H. Quel nom désigne cette boîte? Chez le bento. Le bento. Même moi, je... Ah ouais, le truc avec le lait. La boîte de conserve. Ouais. Quel est le nom de cette crêpe japonaise préparée et vendue? Okonomiyaki. Okonomiyaki. Non, Olokodo Yayaki. Ouais. Fukushima. Spécialité. Ah, ses enfants qui avaient des années de spécialité, hein, Fukushima. Bouffe, le nom d'une préparation à base de riz gluant. Mochi. Le mochi. Mochi. Mythologiquement fabriqué par des lapins lunaires. Quoi? Effectivement, il s'agit des mochi. Les mochi. Le mochi. Ah, si, c'est bon. Très bon, le mochi. Le riz sucré, de toute façon, c'est dégueulasse. Si, c'est bon. Non. C'est dégueulasse. Onigiri. Des onigiri. C'est bon, ça, les onigiri. Onigiri. Un accompagnateur d'un repas traditionnel japonais, une soupe sake. Dont l'ingrédient principal est une pâte de haricots tofu. De soja fermentée. Le miso. Quand tu parles de machine, quel est le nom de le fameux poisson globe? Le fugu. Le fugu. Bien, oui, c'est vrai. Le fugu, shima. Tu sais, si t'es fatigué, le tu pain, peux le dire. Non. Le pain japonais à la partie interne est constitué de brioche classique. Le melon pan. Le melon pan. Le melon pan. C'est bon, ça, en plus, le melon pan. Ah, ça, c'est bon. J'en ai bouffé là-bas pour te dire que... C'est et, cool. C'est un pain, et ça n'a pas fait c'est à partir de melon, en plus. Bah, non, c'est un pain au melon. C'est une espèce de pain brioché, si tu veux, avec une espèce de... C'est une forme de melon. De croûte un peu dessus, c'est un peu comme... Comme un glaçage. Ouais, non, croûte de sucre en fait. Ouais, c'est plus du biscuit, mais ça fait plus genre. Ça a l'air super bon, j'ai mis du merde. Proche du sablé. Comme la foire. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Merde, je sais plus qu'est-ce que je cherchais comme. Bon, alors que moi là-bas j'ai mangé un peu en raisin. Ouais. Il y avait de la crème pâtissière, c'est très bon. Et c'est pas du tout à base de melon. Il y a tout le temps mieux. Le melon, c'est dégueulasse. C'était vraiment. Quel est le nom de ces boulettes de pâte quand on a des morceaux de poulpe généralement vendus? Takoyaki. Takoyaki, bien sûr. Les champignons. C'est signé Dédé, hein. Les champignons, c'est signé Dédé. Ah, c'est d'autres champignons. Oui. Les champignons Negi. Les champignons rares et très prisés au Japon. Ah, rare. Bah, c'est signé Dédé. On est dans Toriko, par exemple. Si. Du. Ah, putain. Ah. Non. Amatake, Finotake, Inotake, Matsutake, Tametake. Ce sont take, c'est-à-dire. Non. C'est pas Finotake. Parlez de bouchon bouchon en fait. Et c'est là, j'attendais qu'ils seront drôles. Je faisais exprès. J'avais la bouteille de l'autre côté. Bref, alors c'était quoi les champignons? C'était les Matsutake. Ah merde, je connaissais ça. Non, moi j'ai le mien là-bas, je vais le chercher. C'est bon. Matsutake. Quel est le nom japonais de ce ravioli chinois? Gyoza. Les gyoza. Gyoza. Ouais. Les gyoza. Les ravioles. C'est bon. Un plat japonais constitué, composé de ramen. Riz frit assaissonné de ketchup et enrobé d'une omelette. Omurice. L'omurice. Ah, l'omurice. Ça, j'en ai bouffé là-bas, c'est pas bon. Ça se dit pour omelette. Ouais, c'est rice. Rice pour riz. J'en ai bouffé là-bas, c'est pas bon. Avec du ketchup dessus. Ouais, parce que, bah voilà. Fallait bien gâcher le plat. Parce que pourquoi pas. Le nom du pot-au-feu japonais. Ah, Katsukuri. Merci. Non, c'est pas Katsukuri. Le nom originaire de Kanto. Non, c'est l'espèce de. Proposé par des vendeurs ambulants. Dans les œuvres de Kanto. Ah, c'était dans Samouraï Gourmet, tu sais, à la fin. L'épisode avec sa femme. Putain, comment il s'appelle? C'est qu'on peut acheter les cubes qui permettent de. Vas-y, fais péter les noms. Les cubes de bouillon. Est-ce qu'il s'agit de l'Oden, de Lycée L'Oden. Non. L'Oden. Si. Ah oui, l'Oden. Moi, je connais Léo, l'Oden, mais. Oui, dans Samouraï Gourmet. Oui, j'ai dit Samouraï Gourmet. J'ai dans Food Wars. Non, c'est moi qui ai dit Food Wars. Voilà. On a dit Samouraï Gourmet juste avant, et pour déconner. Alors, le nom de ce petit pain fourré à la pâte de haricots rouges dans le Yamazaki de Gintama. Et qui possède. Celui qui a une forme de poisson, là. Et qui possède un animé avec un super-héros à son effigie. Oh, mais tu mon fils. Je sais plus. Attends, l'éjaculation dans la rivière, ça t'a choqué, hein. Un petit pain fourré à la pâte de haricots rouges. Je sais plus. Est-ce qu'il s'agit de l'anpan, du daifuku, anpan, du monaka, du ohagi ou du uiro? Ohagi. Mais c'est pas le truc à le fond. Ouais, c'est pas le truc à une forme de poisson, ça. Non, c'est autre chose. Anpan, c'est pas la. Non, c'est autre chose, ça. Parce que c'est pareil, il y a du han dedans. Ouais, parce qu'il y a du han aussi. C'est dingue tout ce qu'ils font avec du haricot rouge. C'est bon, en plus. Ouais, en forme de haricot rouge, quel est le nom de cette douceur fourrée à la pâte de haricot rouge en forme de dorade? Ah, c'est ça. Je viens juste de vous donner la voilà. Il s'agissait du taïdaki. Taïdaki. De toute façon, à partir du moment où il y a yaki. Il y a quoi? Bah, il y a yaki. Yaki? Allez, une dernière douceur pour la route, toujours à la base de pâte de haricot rouge. Mais cette fois, elle est gélifiée. Ayant l'apparence d'une pâte de fruits. Le on mange pas de que Kenoko ça. Tojo passe son temps à manger dans High School. Pas du vert. D.D. Le Touron. Non, High School D.D. D.X.D. Le Touron, c'est pas le même pays, tu sais. Si, c'est le Touron. Alors, est-ce que c'est d'Alicante ou de. Oui, les Touron espagnols du Japon, oui, vas-y. Le Touron. Quatre propositions, s'il vous plaît. Ouais, je vais péter les propositions. Le duo. Alors, il s'agit du hanpan, du panko, du shishi, du chichi, du tororo ou du yokan. Battle. Yokan watch. Yokan watch. Yokan watch. Le shishi. Le shiitake. Non, ce n'est pas le shishi. Reste le hanpan, le panko. C'est pas le panko. Le panko, c'est le chien. C'est le yokan. Le panko, c'est le chien. C'est la chapelure, le panko. C'est effectivement le yokan. Le yokan. La chapelure. Parce que le nion au panko, c'était le toutou du jour. C'était le toutou aussi, ça veut dire. Ok. Quel est le nom de cette fondue japonaise, plat familial typique des jours de fête que font souvent les personnages de Princess Jellyfish? Faut le savoir, ça. Princesse Jellyfish. Une fondue japonaise. Comment ça s'appelle? Nihon. C'est pas le Oden du coup. Nihon Goka Dekimasuka. Ka fondut. Les bondés fondus. Ski. Est-ce qu'il s'agit du yak gua? Yak gua. Du suki yaki? Non, c'est du ohagi, du teriyaki ou du kamaboko. C'est le sukiyaki. Sukiyaki, c'est ça, ouais. Merci. Et qu'on en fait que quand il y a du monde parce que ça coûte cher à faire. C'est ouais. Ça. Suski à qui? Non. Suski à qui? On a dit non. Quel est le nom japonais de cette brioche à la vapeur chinoise qui bao. Bao. Non. Qui donne son nom japonais à Musselman ou encore ou au grand roi extraterrestre dans Dr. Slump ou encore le de Nishida Yusei dans Shihara Furu. Comment il s'appelle dans Dr. Slump? Putain, ouais. Est-ce qu'il s'agit de Nikuman? Est-ce qu'il s'agit de Goya? Est-ce qu'il s'agit de Nobichi? Est-ce qu'il s'agit de Kakuni? Ou est-ce qu'il s'agit de Maki? Je crois que c'est le premier, non? J'aurais dit Goya. C'est le premier, non? C'est le premier, effectivement. Je peux me dire qu'est-ce que c'était? C'était quoi? C'est Nikuman. Nikuman, ça me rappelle le truc dans Dr. Slump. Pourtant, non, mais Niku, j'ai pensé à la ça, c'est bien. C'était très très rond. Enfin, mieux que Dragon Ball. Là, oui. Quel est le nom de ces pâtes servies dans un bouillon? Ramen. Ramen. Ta fraise. C'est un ramen. Ramen. Avec les goudons, après, c'est les goudons. Je vais aller la faire. Tu mets les sabas, tu mets du houdon, tu mets. C'est ramen. La fin des questions sur la bouffe. Bon, ben c'est bon, je peux arrêter de rire. On retourne un peu sur le côté un peu plus culturel. Vas-y, comme ça tout le monde va ramer. Quel mois de l'année? Dans 9 et plus culturel. Quel mois de l'anglais? Quel mois de l'année? Chaud là. A lieu la rentrée. Avril. Au mois d'avril. Après la Golden Week. Ah, quel mois de l'année? J'ai compris. Quel mois de l'anglais? Non, la Golden Week. C'est presque. La Golden Week, c'est la première semaine de mai. C'est la première semaine de mai. Je suis allé juste après. C'est quasi au moment du Hanami de toute façon qui est rentré. Oui, c'est au printemps en fait. Ouais. Mars, avril, tu vois toujours les cerisiers là qui la fleur et tout avec les étudiants qui rentrent. Quel est le nom de cette série Mais ils courent tous avec des biscuits. Quel est le nom de cette série de 4 jours fériés au Japon? La Golden Week. Ouais. Bah ouais, bah vous l'avez. 7 jours, c'est effectivement la Golden Week. La Toussaint. Podren. Podren. Comment appelle-t-on les sources chaudes? Vous me l'avez dit. Onsen. C'est vidéo. Et Greten. Bon, oui. Écoute, il faut qu'on parle. Ceci est une intervention. Comment appelle-t-on les poèmes calligraphiés? Haïku. Des haïkus. Ouais. Putain, c'est collégial, c'était beau. C'est pas que calligraphié, parce qu'après, il y avait la suite. Il y a les règles. Tout, avec les règles de composition du haïku. C'est ça. Je sais plus exactement les règles. Il n'y a pas la Yuku. Il y a trois propositions. Non, ça c'est le Kigo, ça. Ça c'est le Kigo, c'est le mot de saison. 7, 5, 5. Ouais, il y a une métrique à respecter, je crois que c'est 5, 6, 5, 7. Ouais, comme beaucoup de façons de forme poétique. Un 5 à 7. Sauf que nous, quand tu les fais, c'est pas respectable. Un autre art japonais, l'art floral, comment ça s'appelle? Ikebana. Ikebana, exactement. Quel nom donne-t-on aux doubleurs japonais? J'ai aucune idée. Quoi? Comédien de doublage. Les seiyuu. Les seiyuu. Seiyuu. Non. Seiyuu tous les heures. Je te surveille, moi. Je t'ai à l'œil. C'est lui qui a commencé. J'ai déglingué les gratons. Hein. C'est pas secret. J'ai défoncé là. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne la Saint-Valentin au Japon? Oui. Ah oui, c'est les filles qui offrent des cadeaux aux garçons. Exactement. Et après, c'est les garçons qui offrent. Qui doivent offrir une diffusion supérieure. Et il n'y a pas forcément, je crois, de trucs avec des relations amoureuses. Non, ça peut être simplement des amis. C'est les chocolats aux garçons qui doivent offrir. Non, c'est le chocolat blanc. Le chocolat. Pour les garçons qui doivent donner. C'est le White Day. Le 14 mars, effectivement, c'est ça que j'attendais, c'était le White Day, non et pas c'est, et c'est, et c'est une valeur 10 fois supérieure, normalement. Mais parce que, donc là, c'est plutôt pour le côté des gens qui sont proches, c'était plutôt de la lingerie blanche. De la lingerie. D'une valeur 10 fois supérieure au chocolat mars. Reçu. Chocolat. On peut monter. Là, tu offres une Bentley. Tu vendras à Nadine les caleçons blancs. Les caleçons blancs, c'est dangereux. C'est dangereux, les caleçons blancs, ça nécessite une hygiène irréprochable. Ouais, faut qu'ils aient rappelez-vous, c'est... la dernière goutte, en général, c'est pour le caleçon. Toujours. Et puis, faut pas péter trop fort. Faut pas péter trop fort. Quel terme désigne le... Quel terme générique désigne les monstres comme Godzilla, Kaiju. Les Kaiju. T'emmerdes aussi, j'aime. Les Golgoth. Les Golgoth. Excusez-moi, je suis assez mal. Comment se nomme l'entreprise publique qui gère les stations de radio, la télévision, le service public? Bah, les NHK. NHK. La nationale Ipone. Ipone. Et d'ailleurs, c'est les premiers à avoir fait des programmes 8K récemment. Oui, j'ai vu ça. Et la première diffusion en 8K qu'ils ont fait d'un film, c'est ce que c'est? 2001, le Odyssée de l'espace. Pas mal. Classe. C'est pas dégueulasse. Médiocre. j'avais compris la fin. Personne n'a jamais compris. Une petite question qui peut vous servir, on sait jamais, si vous allez au Japon, quel est le numéro court d'urgence pour joindre la police au Japon? Le 9. Oh, 118. C'est pas celui-là. 3. Est-ce qu'il s'agit du 100, du 107, du 110, du 112 ou du 118? Le 100 de la veine. 100. Mon cul est battant. Moi je dis 107. Le 100. Non. 118. Non. J'entends chagrin dans le sucre. Je m'en rappelle plus du quatrième. Il restait le 112 et le 110. Ah, le 112. Ah, les 112. C'est le 118. Parce que t'as mis 118. Non. T'as mis 112. C'est 112. Si, il y avait un ancien des Robin des Bois qui faisait le truc. Donc voilà, c'est le 110. Ah, c'est pour ça que je reconnaissais la voix. Oui. C'est bon à savoir. C'est pour Suisse. Il n'y a qu'un numéro d'urgence. Il y a des sortes de fichoirs. Ouais. Ah oui, bah, c'est vrai. Le numéro d'urgence. C'est pour ça pour que je reconnaissais en fait la voix, que quelque chose, ça me dit quelque chose. C'est comme une sorte de fussoir. Alors, quel est de nouveau une question cuisine qui se balade? Ah, un plat composé d'un bol de riz chaud surmonté d'une tranche de porc pané. Ah merde. Katsukuri. Un oyakodon. Battu. Ah non, c'était pas ça. T'as la fin qui est bonne, hein, le don, c'est bon. Un donbouli. Non. Non, c'est la fin. Il faut garder juste la fin. Un udon. Non, je sais pas. Attends, c'est du riz avec du. Du riz chaud sur un katsudon, exactement. Ah putain, j'ai dit katsukuri, je suis con. Puis cuit avec un œuf battu. C'est tellement bon. Katsudon. Le pauvre œuf, il a rien demandé. Ça, c'est délicieux, le katsudon. J'adore faire ça. Allez, on arrive à la fin, il reste 4 questions. Ça va. Il reste deux mon gars. On est en chaîne. Est-ce que vous savez comment se nomme le bâtiment qui abrite le parlement japonais? Non. Ça s'appelle le parlement. Le parlement du... Vraiment? C'est pas le palais de la chose. Avec Valérie Giscard d'Estaing. Non. C'est le seul qui était au Japon. Je vais vous faire 5 propositions. Est-ce c'était très culturel. Vas-y. Est-ce, qu'il s'agit... Est-ce que le bâtiment se nomme le congrès? Est-ce qu'il se nomme la législature? Le régime? La diète? La Douma. Le régime. La Douma. La Douma. Le congrès. Le régime. Le congrès. Le congrès, ouais. Non, c'est pas parce que t'as mis le régime et la diète, c'est pour ça que je dis ça. Non. Vlad. C'est quoi les deux premiers ? Congrès, législature. La législature. La législature. Diète, Douma. La législature. Moi, je suis sûr que c'est la Douma parce que je suis sûr que c'est la Douma. Oui, c'est pas la Douma. Non, c'est pas la Douma, c'est pas le régime, c'est pas la diète. C'est pas la législature. Même si le régime, ça me paraissait. La législature, ça m'allait bien. C'est la législature. Bah, le congrès. Ce n'est pas le congrès non plus. Bah, là, on a dit les 5 réponses, ça devient compliqué là. Ah non, il y en a une, vous m'avez dit c'était pas ça. Mais c'est la diète, ça. C'est la diète. C'est la diète, hein. J'étais pas loin avec mon truc du régime. Bien vu, bien vu. Quand c'est régime, il y a diète, c'est ça. Le bâtiment s'appelle la diète. C'est le bâtiment. C'est pas si gros! À gauche ou à droite? C'est gros de Tokyo, il est très réputé. Ils ont du tasse au 12, mon gars. Mini fugère, tout est propre. Quelle expression de gratitude formule-t-on généralement avant la prise d'un repas? Itadakimasu! Itadakimasu! Bon appétit! Non! C'est plus que ça! Merci pour ce repas! C'est ça! Le bénécité du repas! C'est une sorte de bénédicité, mais plus court! Comme ça! C'est ça! Qui fait moucher! Et peut-être un peu plus... Ben, un peu moins... Le sport japonais, vous connaissez ou... Le baseball. Le baseball. Vous connaissez un peu en sport japonais? Vivetan. En sumo, par exemple. Ah, sumo, vas-y, vas-y, fais péter le sumo. En sumo, ok. Le sumo, Tori. Le sumo, vous savez, il y a plein de rangs, en fait. Ouais. C'est quoi le rang le plus haut? Yokozuna. Le ouais. Yokozuna. Oh, bien. Exactement. Et le rang le plus bas, toi, t'as un super play manager. Non, c'est que je regarde le sumo sur les plus bas. Toi, t'as un grand power play manager. Ça, c'est rigolo à voir les sports comme... Sumo manager. C'est super. Ça va très vite, hein. Ouais, ça va hyper vite, c'est hallucinant. T'es demi-dieu. Et c'est passionnant à voir, hein, je suis d'accord. Ouais, j'irai pas jusque-là. Mais juste, le sportif. J'aime bien regarder parce que c'est sportif de la c'est notre spécialiste en fait. Sport. Ouais. On s'en rend pas compte, mais c'est très très. Ouais, même c'est notre rituel, j'aime bien. Ça s'appelle, c'est notre Lionel Chamoulot à nous. De quoi? Ici? Toi, ouais. C'est spécialiste du sport. Oui, j'aime le sport. J'aime le sport et je le revendique. Mets-toi comme ça, dis vive le sport. J'aime l'humour et la guerre les chats. J'aime le battre. Non, mais sumo, c'est très. T'avais pas de questions. C'est très rapide, ils se mettent dessus. Je suis non. Ah, dommage. David Douillet. 20 questions. Il reste deux questions. David Douillet, les Républicains. Quel est le nom de cette créature au long nez ou parfois au long bec, au trait d'un vieillard pouvant souvent voler? Ah merde. Les volets. Non, voler. Avec ses. Non, il aurait dit voler. Voler. Ah non, c'est un long nez. C'est pas un yokai. On le voit beaucoup dans l'imagerie. Ouais. Et voler. On le retrouve aussi dans l'imaginaire de Maxime Chatham qui a été plus modernisé. Adeline Chetey. Ouais. Adeline Chetey. Chetan. Moi, de toute façon, je connais que. Donnez les réponses. Non, on la connaît. Est-ce qu'il s'agit d'un Rokurokubi? Un Ninugami, un Nushikoni, un Isogaki ou le Tengu. Je dirais le Tengu. Tengu. Non, c'est le Tengu. C'est un personnage. Non, ça c'est les. Tanuki. Tengu, c'est un personnage aussi de Dead or Alive. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que j'ai entendu le nom. Aucun rapport. Très japonais, mais aucun rapport. Toshiba, tout ça. Et enfin, dernière question pour finir. Dans la mythologie japonaise, oui. Les yokai, quel est le couple originel de la création? Hatsune et Miku. Non. Atadimeratsu et... Amaterasu. Non, Amaterasu. Je l'ai en proposition, si tu veux, Amaterasu et Ameno, mais c'est pas... C'est pas Tengu. C'est quoi les autres, alors? Ameno Domine. Est-ce que c'est Ameno et Domine? Ameno et Domine. Indomine Patrice. Indomine Patrice. Faites gaffe, vous allez me faire brûler. Donc, en proposition, j'ai... Ikutsu et Okitsuka. Moi j'ai Toshiba. J'ai Izanagi et Izanami. Il y a Sony et Toshiba. Mario et Sony. Et Kaoru. Mario et Sony aux Jeux Olympiques. Mario et Dayatsu. Demu. Mushino et Moshimata. Amaterasu et Ameno. Ou Sega et Nintendo. Susanoo et Suseri. Pourquoi pourquoi Suseri à nous? Celui avec Moshi. Particulièrement. Le dernier. Ouais, le dernier, non, c'est pas Susanoo et Suseri. Susanoo. Et l'autre, c'était quoi, Moshimata? Moshino et Moshimata. Michino et Michimata. Ça me rappelle celui-là. Le premier. Non, Hospital Oli, ça l'a tué. Pas non plus. Oh, allez, vas-y, fais péter. Asuka, c'était Izanagi et Izanami. Voilà, okay. C'est tout pour moi. Tout le monde a gagné. Je vais pas compter les points. C'est tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a le droit de bouffer. Moi, si je compte, c'est moi qui ai donné plus de bonnes réponses. Sans doute. Très bien, très bien. Merci Aston. Et bah écoutez, on arrive déjà à la fin de l'émission. On a fait un peu plus court, c'est pas ça. Combien ? C'est court et bon aussi. Combien on a fait ? On a fait 1h34. Et moi j'ai envie de dire, c'est tant mieux. J'ai envie d'aller faire pipi. Et dis quoi, Pérantoir, si on se revoyait le mois prochain. D'accord, mais moi de. Et si on se revoyait le mois prochain pour parler de choses et d'autres, de tote bag, d'inspiration podcastique, plein de choses. Il y en aura. Ça. De tote bag. Non, des tote bags. Et je vous propose de terminer avec une petite musique pas piquée des hannetons. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Parce que ça suffit la mauvaise musique. Ça suffit la mauvaise musique dans cette émission. Là, il y en a marre. Magnifique clip. Il y en a marre. Hein. Magnifique clip. Et quand tu verras ce que je vais passer, ce tu dis ça, il y a quelqu'un qui va te péter la gueule autour de la table. J'ai allez, choisi le fleuron quatre, de l'année 2020. Sophie Elix Bextor, Murder Oh yeah Bextor. C'était les années 2000. Ouais. Allez, fais péter. C'était 2000. Fais péter, what? Allez. Prends aux toilettes. Moi deuxième. Murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. But you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray. You better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around somehow. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.